CFOU.ca 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On prendra des nouvelles de la GAQTR, parce que comme on dit, la GAQTR, ça n'a pas d'âge, yo. Et on goûtera à l'eau produit du tiroir avant leur date de péremption dans une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 13 octobre 2016, à 196 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, on n'a même pas souligné que le 200 était passé. Non, c'est vrai. Ça va bien. Oui, ça va bien, ça se passe bien. Ça avance. C'est ça. Ça compte toutes les fêtes en passant, tout ça. C'est le nombre de jours, littéralement, là, de jours, de calendrier. OK. Avant la fin. Il en reste pas beaucoup? Non, vraiment, ça va être... Bref, on est en direct des studios de CFOU à Trois-Rivières. Puis aujourd'hui à l'émission, on a plein de choses de prévues pour vous. On va voir la chronique de la GAQTR à 8h. On va parler de ce qui s'est passé depuis la dernière chronique, de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'il y a à surveiller d'ici la prochaine chronique. Mm-hmm. C'est pas mal ça qu'on va faire avec Alex Marchand ou ses collègues vers les 8h. On va aussi avoir à l'émission d'aujourd'hui une grosse pointe d'adresse parce qu'on est jeudi, donc on va finir l'émission avec ça dans le coin de 9h. Ta chronique à toi s'en vient, Tania Escolin-Jutinian. On va faire ça en milieu d'émission vers les 8h30. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va se passer en deux temps, en fait, pour Tania is gonna entertain you. Aujourd'hui, je vais vous faire un bout qui est, comme à chaque jeudi, un retour sur ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Mais il y a aussi un invité qui va venir faire une petite surprise. On va discuter de ce qui s'est passé hier soir. C'est mystérieux tout ça, on aime ça. C'est fou. Donc, Tania is gonna entertain you vers les 8h30. On va débuter avec les instructions assemblage dans quelques moments, mais avant ça, une pièce de Saratoga. Oui, on parle de fleurs. Oh, ouais. Oh oui. Oh, c'est un assemblage requis. Au 89 FM. Ralentis l'allure. Tu brûles à mesure. Tu tournes les coins ronds. Tu passes droit. L'usure. À quoi tu carbures? Qu'est-ce qui te manque? Vers quoi tu t'engages? Les fleurs carnivores se chargeront. Saratoga et la pièce fleur à assemblage requis. Juste assez de temps dans l'émission d'aujourd'hui pour finalement apprendre à mieux vivre un peu. Oui. C'est cool, on s'est libéré une case pour ça. Donc voici les instructions d'assemblage. là. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Savoir gérer son temps, c'est l'idée de la chronique Les esprits d'assemblage. D'habitude, j'aurais pu mettre une plus longue chanson pour avoir le temps de mieux préparer ça, mais non. On commence avec plein de bonnes choses. Vous allez voir, j'ai choisi des articles particulièrement intéressants cette semaine. En tout cas, il me semble. On va voir ce que ça donne. On dit laisser tomber les grosses poses de super-héros avant les grands événements, sauf si ça t'aide. Est-ce que tu connais les power poses? Non! C'est l'idée que faire à semblant d'avoir un bon langage corporel puissant va réduire le stress et améliorer votre performance dans une situation stressante. Okay. Ça a été répété plusieurs fois dans les trucs de conseil. Mais un des grands chercheurs derrière l'idée, un des gars qui a, une des personnes qui a trouvé cette idée-là, a complètement changé de bord. Oh, ça va bien. Ouais, ça va bien. Donc, c'est la psychologue sociale Amy Cuddy qui a présenté l'idée des power poses il y a plusieurs années. Elle a travaillé avec sa co-auteure Dana Carney. Carney, récemment, s'est reviré de bord et a dit que c'est presque impossible de répliquer les résultats de l'étude et a dit que l'efficacité de cette étude-là, c'est peut-être pas réel, que les effets sont peut-être réels pour les gens qui trouvent, dans le fond, que pour les gens qui eux, le font, mais c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire dans une étude. OK. OK. Ça peut pas être un sujet d'étude. C'est ça. Donc, son explication, c'est que les résultats étaient ce qu'on appelle en anglais P-hacked, dans le sens qu'ils ont été tweakés statistiquement pour que les résultats aient l'air plus fiables et plus stables qu'ils l'étaient vraiment. Elle note que les participants de l'étude savaient, connaissaient l'hypothèse. Mmh. Quand tu connais l'hypothèse de quelque chose, comme les power poses, ça biaise les résultats. Tu comprends? Oui. Donc, ce qui est complètement pas fiable dans une étude scientifique. Il faut, au début, avoir une idée, il faut la prouver. Et si ça fonctionne, là, tu dis aux gens, c'était l'idée que vous avez testée. Et ensuite, tu continues à tester et tu peux reproduire les effets. Si tu peux pas reproduire les effets de l'étude ou si tu penses que les résultats de l'étude ont été causés par autre chose, il faut que tu le dises et que tu n'avais pas d'évidence ou de preuve. Il faut que tu changes ton histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé leur histoire pour dire que finalement, peut-être que les power poses, avant de grands événements comme une présentation, un discours, des événements qui sont stressants. Si ça t'aide, évidemment, continue de le faire. Mais oui. Mais probablement que c'est pas quelque chose d'efficace. Hein? Comme disait le slogan, fake it till you make it. C'est pas nécessairement vrai. C'est un placebo psychologique, peut-être. Mais ça fonctionne parfois. Pour ça, pour que ça fonctionne, continuez, c'est ça, exactement. Tiens, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu ouvrais les portes dans le mauvais sens? Tu sais, des fois, là, c'est marqué tirer, mais tu pousses sur la porte. Oui. Ça t'arrive. Ben, il y a une raison pour ça, selon Vox. Donc, si t'es un adulte avec une intelligence fonctionnelle, pourquoi est-ce que tu t'enfermes toujours dans des choses comme super simples? Eh bien, c'est ce que Vox nous dit, c'est qu'on cherche inconsciemment certains cues dans le design des portes. Donc, par exemple, sur la photo, on voit que c'est marqué de tirer, mais la poignée elle-même, et le design est fait comme un tuyau où tu as l'impression que tu peux tirer dessus. Ou tu peux pousser. Ou que tu peux pousser, c'est ça exactement. Tout à fait. Tout comme il y a des portes que tu dois pousser, mais qui ont une poignée que tu peux tirer dessus. Donc pourquoi? C'est ces cues de design-là qui sont faits pour être juste cute. On appelle ça en fait des Norman Doors. OK. Donc, c'est nommé en hommage ou en l'honneur du designer et de l'auteur Don Norman. Dans son livre The Design of Everyday Things, il explique que les portes qui sont bien designées ne devraient pas avoir besoin d'une pancarte pour indiquer comment l'ouvrir. On devrait être capable de savoir comment l'ouvrir juste en la regardant. Hein? OK. Malheureusement, c'est pas toutes les portes qui sont faites comme ça. Par exemple, dans des bureaux, des bâtisses industrielles, peu importe, on peut trouver une porte de vitre avec une grande poignée verticale sur les deux côtés. La poignée pourrait suggérer qu'on devrait tirer pour l'ouvrir, mais des fois, c'est de pousser. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on aime les portes avec les petits yeux magiques. Ben oui. Comme la bibliothèque. On adore ça. Ça va être en vitre, mais t'as juste à rentrer dedans. Moi, ce que j'aime pas, c'est dans les épiceries, par exemple, où il faut vraiment que tu arrives au pas de la porte. Ah, je sais, tu rentres quasiment dedans. Oui, c'est ça. T'arrêtes, faut que tu fasses un arrêt. Tu devrais pas avoir à faire un arrêt. C'est vrai. À une porte. Mais bref, donc c'est ça, c'est une question de design. Les pancartes peuvent aider, mais encore une fois, on devrait pas avoir à lire une pancarte poussée ou tirée pour comprendre si le design est bien fait. Tania, c'est déprimant pour moi et peut-être pour toi aussi. Ton plus faible poids de l'année est probablement en ce moment même. Ah, oh, comment ça? Ouais, on pensait parce déjà que les fêtes s'en viennent. Les fêtes s'en viennent. Que les Nord-Américains prennent le plus de poids dans le mois de novembre et le mois de décembre, surtout aux États-Unis parce que l'action de grâce est au mois de novembre. C'est à cause du froid, ça. Peut-être aussi. C'est nos ancêtres, là. Ils veulent une petite laine de plus. Comme les ours. Donc, une analyse des données de balance, de pèse personne, nous dit que présentement, vous êtes à votre plus faible poids. Donc, le poids qu'on prend pendant les fêtes, on finit par le perdre, mais pas tout de suite. Les diètes du mois de janvier s'occupent d'à peu près la moitié du poids, pour la plupart. Et le reste, ben, ça prend presque toute l'année pour s'égaliser, pour revenir à son poids normal. Les chercheurs ont utilisé les données des pesées, des pèse personnes équilibrées, sans fil, Withings. C'est la marque Withings. Ils ont fait des calculs mathématiques là, et c'est ce qu'on nous a dit que c'est présentement au mois de, d'octobre qu'on est à notre plus petit. Le peuple japonais prenait du poids, prend du poids encore aujourd'hui dans la Golden Week. C'est une fête, une semaine de congé. Et les Allemands, eux, prennent du poids vers Pâques et vers Noël. Donc maintenant, vous savez quand vous êtes à votre meilleur poids. Ben, soit déprimé ou soit considérez-vous chanceux. Et puis après ça, faites attention pendant les fêtes. Il faut savoir ce que vous mangez en novembre et en décembre, surtout, pour essayer de ne pas prendre trop de poids pendant les fêtes. Les transactions de banque, et là on parle des États-Unis ici, donc j'espère qu'un jour ça va se reproduire au Canada, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Les transactions de banque dont les payes vont maintenant être plus rapides aux États-Unis. Ah oui? Que ce soit un dépôt direct, un transfert de compte, un paiement de facture, la plupart des transactions prennent au moins quelques jours pour avoir lieu dans votre compte, pour être reflété. Tu sais, je t'ai même posé la question, je me suis fait rembourser quelque chose samedi. Tu m'as dit ça prend 3 à 4 jours ouvrables avant que la carte de crédit soit le sache. C'est arrivé ce matin ou hier soir. C'est exactement 4 jours ouvrables. C'est incroyable. C'est fou, hein? En fait, c'est exactement 3 à 4 parce que je sais pas si c'était hier soir ou ce matin. Fait que c'est 3 à 4, 3 et demi. C'est vrai. Bref, t'as tout à fait raison. Les institutions financières passent leurs transactions aux États-Unis via le Automated Clearing House Network, ce qu'on appelle le ACH. Selon Bloomberg, environ 41 trillions de dollars passent dans ce réseau-là chaque année et les banques ne peuvent synchroniser leurs comptes avec ACH qu'une fois par jour. C'est pour ça que les paiements de factures prennent quelques journées à se refléter dans votre compte, les transferts prennent quelques jours pour passer d'une banque à une autre et les chèques de paye s'envoient à votre compte le jour après leur envoi. Genre, peu importe, là, ça dit le jour après. Nous ici, je pense que les payes sont faites le mardi et on l'a le jeudi, là, mais j'imagine que c'est une période de 48 heures, je connais pas trop ça. Bref, les banques doivent se synchroniser maintenant avec le réseau, encore une fois aux États-Unis, 3 fois par jour pour recevoir les paiements, ce qui fait que c'est possible de recevoir l'argent le jour de l'envoi. Bloomberg dit que plus de 95% des institutions financières les plus reconnues aux États-Unis prévoient offrir donc cette façon de faire à leurs clients à partir de ce mois-ci, le mois d'octobre. Donc, le changement va aussi faire que ça va être plus facile pour les employeurs lorsqu'ils font des erreurs dans leur paye, comme nous ici, assez fou. Oui. Il y a eu une erreur avec les payes mardi. Hein? Uh-huh. Normalement, on aurait eu jeudi, aujourd'hui. Finalement, il a fallu annuler et recommencer la paye. Ça a été envoyé mercredi. On va l'avoir jeudi soir, vendredi matin. Ça complique les choses. Donc, maintenant, avec les 3 fois par jour des États-Unis, avec le nouveau système, ils vont pouvoir corriger les erreurs et s'assurer que les employés soient payés exactement à temps, à la même heure que d'habitude. NACHA, l'administrateur du ACH, a toute une page pour les Américains, bien sûr, sur assemblagerequis.com. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le Canada, parce que si les États-Unis le font, d'habitude, on n'est pas loin derrière. C'est vrai. Voilà. Maintenant, une application iPhone ou Mac qui surveille vos habitudes avec des rappels et ensuite donne de l'argent à vos œuvres de charité préférées s'appelle Habitify sur iOS et Mac. Il y a plusieurs options pour surveiller vos habitudes et Habitify est une des premières qu'on voit qui non seulement est belle, mais qui aussi fait des dons lorsque vous travaillez bien. Donc, l'application Habitify inclut donc une application pour iOS, Mac et Apple Watch avec des rappels personnalisables, des options pour surveiller plusieurs habitudes et des routines lors de différents jours de la semaine. Et ça va même ajouter des petites citations de motivation si vous en avez besoin. C'est super mignon. T'es limité à trois choses à surveiller dans l'application gratuite. Tu peux débarrer un nombre illimité pour 3,99$ US et en complétant les choses que tu as à faire, tu mérites des points. Et à chaque 500 points que tu as, tu peux donner 5, ça donne 5 cents, oui, à Charity Water, qui est une campagne pour l'eau buvable dans les pays qui ne peuvent pas qui n'ont pas cette eau-là. Potable, donc, voilà. Potable. Je suis en train de chercher l'application Abilify sur mon téléphone. C'est pour ça que je parlais drôle. L'icône est super beau. C'est disponible au Canada en passant. Et c'est même en français. Donc, créer une nouvelle habitude et la suivre tous les jours. Vérifier vos habitudes quotidiennes sur aujourd'hui. Obtenir des statistiques précises sur votre progression. Atteindre des badges cool. Convertir chaque point en espèces et faire un don de charité. Ça fonctionne au Canada, donc allez voir Habitify. Encore une fois, c'est gratuit pour 3 habitudes et 4 pour un nombre illimité, 4 $ américains. Augmenter votre bonheur au travail en changeant votre façon d'approcher vos listes de choses à faire. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Ouais, on parle souvent de listes de choses à faire à l'émission et on a tout le temps des bons conseils. Donc, une liste de choses à faire, ça pourrait vous... Tu vois, j'aime le point numéro 2 sur la liste de la photo. De pas la faire, non, c'est quoi? Non, c'est marqué café. Café, oh, j'aime pas regarder. Donc, ça peut, les listes de choses à faire peuvent vous rendre plus productif, mais aussi peut rendre votre job un petit peu plate parce que tes tâches, à un moment donné, sont répétitives. Il y a peut-être des tâches que t'aimes pas faire, mais que tu dois faire. Donc, c'est Art Markman, professeur de psychologie et de marketing à l'Université du Texas à Austin, suggère au site Fast Company de remplir votre liste de choses à faire avec il dit de ne pas faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est de remplir votre liste de tâches avec des actions quotidiennes redondantes, répétitives, que tu as tous les jours. Essentiellement, c'est devenu comme un rappel, les parties les moins importantes, les moins le fun de ta job, ça t'enlève ta motivation. Donc, il faut faire le contraire. On recommande d'ajouter à votre liste de choses à faire des choses que vous trouvez importantes. Donc, ça pourrait être... En fait, tu veux pouvoir regarder ta journée d'avant et voir que tu as fait du progrès vers tes buts. C'est vrai. Bon. Donc, pas juste les petites choses que tu as à faire habituellement. Évidemment, tu n'as pas le choix de les mettre sur une liste à quelque part si tu veux t'en rappeler. Là. Moi, c'est mon cas. Si je les écris pas sur un post-it, ouais, moi, je avec, pas. J'ai oublié. Donc, si tu faut que tu trouves une raison d'être à ta job, les choses amusantes, même si c'est des choses que tu sais que tu vas faire de toute façon, mets sur ta liste. Ça va te donner du bonheur de savoir que tu avais ça à faire. Puis quand tu vas regarder demain ta liste du jour précédent, tu vas avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est bien. C'est vrai. Oui. C'est juste vrai. Juste vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que ton autocorrecteur, des fois, quand tu essaies de sacrer sur ton téléphone, genre, oui. Tu vas marquer, je sais pas, Chris. Ouais. Tu vas marquer le Christ. Ah, ben, j'ai pas d'autocorrect. T'as pas d'autocorrecteur? Non. Comment tu fais pour vivre? Moi, je peux sacrer comme je veux. Avec des fautes, mais c'est pas grave, tu sais. Non, parce que j'écris comme il faut. Ah oui? Bon. Oui. On s'écrit pas bien, hein, Tania et moi, on se parle en vraie vie. C'est vrai. J'ai aucune idée comment t'écris, Jean. On dit de créer de faux contacts pour réparer l'autocorrecteur. Évidemment, vous savez que dans le iPhone et les autres téléphones, vous avez un dictionnaire dans votre téléphone. Vous pouvez même changer un mot. Oui. Si vous savez que le mot est tout le temps mal corrigé, tu peux aller dans ton dictionnaire, faire ajouter un mot et remplacer tout le temps cette épellation-là par la bonne épellation. Tu peux faire ça à la main. Mais il y a d'autres façons quand même assez simples de le faire. La façon la plus rapide, la plus, on dit, salopard de le faire. Donc, la façon la plus dirty. Ouais. Hein, genre, de le faire, c'est d'ajouter un contact avec les mots que tu veux qu'il apprenne parce que iOS retient les noms des gens. Oh, d'accord. Tu peux même avec Siri dire, bon, mettons, telle personne est ma sœur, telle personne est ma mère, et quand tu vas dire, appelle ma mère, il va savoir que c'est ta mère parce que son nom. Ah ouais! Tu comprends-tu? Tu comprends la fin? OK. Donc, sur Twitter, c'est Steven Thrasher. Thrasher qui suggère d'ajouter un contact nommé, par exemple, mettons, tu veux dire fuck, OK? Tu veux dire tout le temps fuck sur ton iPhone. Tu vas appeler le contact fuckfucker. Okay. Ou fucked fucking. Ou fuck fucker fuck fucking. Ben oui. Donc, aussitôt que tu vas utiliser le nom fuck, ben il va le savoir. Parce que si t'as déjà essayé de taper un nom de famille sur ton téléphone et que t'as remarqué qu'il se s'auto-corrigeait tout seul, ben c'est parce qu'il est probablement dans ton annuaire. Ouais. Ça arrive, ça. Donc, c'est vraiment la même idée. Et sinon, comme j'ai dit dans le dictionnaire de l'iPhone, c'est dans les paramètres du clavier, dans général clavier. On dirait quelqu'un dans l'armée, général clavier à votre service. Aller chercher un remplacement de texte ou quelque chose comme ça. C'est fait pour créer des raccourcis. Par exemple, OMG pour Oh My God, mettons des trucs comme ça. Uh-huh. C'est fait pour des raccourcis. Mais sinon, faire un contact, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Il y a plein de gens vraiment méchants dans les commentaires de l'article. Je vais pas dans les commentaires sur Internet, ça me déprime. Qu'est-ce qu'ils disent? T'sais, ils disent que le gars qui a écrit l'article, il devrait vieillir parce qu'il a l'air d'un gars qui sort du secondaire qui veut dire des méchants mots à tous les mais c'est pas à toutes les deux phrases. Ben voyons donc. Il n'y a pas juste les jeunes qui sacquent. Puisque nous, on sacque pas en nom. C'est ça. Et ça, je me le fais dire, Mathieu. Parce que du moment qu'on sort des ombres, je dois avouer, là, dans la vie de tous les jours, ça il m'arrive parfois de sacrer. Puis là, on m'a dit l'autre jour, Tania, comment est-ce que tu fais pour ne pas sacrer en ondes? Ben voyons donc, c'est juste la base. C'est la base, mais je pense que ça se fait automatiquement dans mon cerveau. Mon cerveau sait... On est en public. ...que si je suis devant un micro, je ne peux pas sacrer. Je pense que n'importe qui sacre régulièrement arriverait en ondes à la radio et au moins se retiendrait un petit peu. Ben j'espère. Quoique, j'ai entendu une émission récemment qui sacrait beaucoup en ondes. Ah oui, il y en a comme ça. Ça dépend quel type d'émission vous écoutez. Je dirais pas qui. Ouais, c'est une émission plutôt... en tout cas, je vais pas dire trop d'indices parce que ça va vous dire c'est qui. Bref. C'est un mystère. C'est un mystère. Tiens, instantanément, si vous voulez, mettons, vous avez un Mac, OK? Vous avez un Mac. Oui. Vous avez mis plein d'icônes dans votre dock. Le dock, c'est comme la barre des tâches en bas avec plein d'icônes. Là. C'est complètement différent de Windows. Là. Sur le Mac, t'as des icônes pour les applications en bas de l'écran en permanence. Bon, tu peux la cacher, etc. Mais si jamais t'as trop de trucs dans ton dock, tu veux le resetter au défaut, il faut que t'ailles dans le terminal, dans Applications et utilitaires, pardon, et tu tapes Default Delete espace com.apple.doc.virgule Kill All Dock. OK. OK. C'est sur assemblagerequis.com. Mettez des espaces entre la plupart des mots. Default, espace, delete, espace, com.apple.doc, point virgule, espace, kill all en un seul mot, espace, doc. Quand tu fais Enter, ton doc va revenir en bas de l'écran et va se remplir de toutes les applications par défaut du Mac. Hein? Tu sais, quand c'est rendu, genre que t'as comme 25 icônes, puis que la barre rapetisse de plus en plus, puis tu vois plus tes icônes, là. Ouais. Je connais plusieurs personnes qui ont ça, surtout ceux qui ont tendance à mettre tous leurs fichiers sur leur bureau. Jean-Philippe Charbonneau. Oh! Boss, là, c'est fou. Bonjour, boss. Salut, boss. Tu n'es pas capable de déterminer. Attends, je vais recommencer ça. Tu n'es pas capable de déterminer ton niveau d'alcoolisme ou ton niveau d'alcool dans le sang quand tu es autour de d'autres gens qui ont bu beaucoup. OK. Tu penses être capable de juger ton propre état d'ébriété. Ouais, mais en regardant les autres. Mais selon une étude récente, on détermine notre état d'ébriété, ouais, voilà, en regardant les autres, comme tu as dit. Donc, l'étude de University of Cardiff, des chercheurs là-bas, est publiée dans le journal BMC Public Health, performée avec des tests de breathalyzer, le truc que tu souffles dedans. Oui. Un sondage sur 1800 personnes pour voir si leur jugement était bon. Les chercheurs nous apprennent donc que c'était pas le nombre de verres que les participants avaient qui guidaient leur jugement, mais combien leurs amis avaient bu. Okay. Dans le sens que on se cote nous-mêmes basé sur les autres. Si tes amis avaient tous l'air semi-sobre, t'aurais plus de chances de dire que t'es sous. Que t'es plus sous que tu l'es vraiment. Même si t'as bu exactement la même quantité. C'est ça. Et encore plus important, si tes amis ont tous l'air d'agir de façon plus saoule autour de toi, t'as plus de chances de dire que t'es moins saoul que tu l'es vraiment. Donc ça peut être dangereux, parce que là tu pourrais penser que tu vas conduire parce que tes amis, par comparaison, ont l'air plus saoul. On se comprend, c'est pas une bonne chose. C'est vrai. Ouais. Mais je fais ça moi aussi des fois. Ouais. Je regarde, je me juge selon le monde autour de moi. Mmh. Ouais, mais que veux-tu? Faut pas faire ça. Non, c'est ça. Cannot do that. Et pour terminer, non pas pour terminer, je pense qu'on va avoir le temps pour quelques-uns encore. Ouais, ouais. Les exercices améliorent ton sommeil. Oh, OK. Le sommeil est très important quand tu essaies de te faire des muscles, peut-être. Mais exercer tes muscles est aussi important pour bien dormir. Oui. Donc, c'est une vidéo de la chaîne YouTube Picture Fit qui nous explique que l'exercice peut activement augmenter la chaleur corporelle, ce qui aide à signaliser à ton corps de produire de la mélatonine la nuit. Okay. Et brûler plus d'énergie avec de l'exercice augmente ton niveau d'adénosine, une hormone responsable pour te donner l'impression que tu es fatigué et de donc t'endormir. L'exercice améliore ton humeur et te rend plus heureuse, plus heureux, mais être dans un état d'être contenté va faire que t'endormir va être plus facile. Quand t'es content d'avoir accompli quelque chose, t'es contenté, tu peux être couché plus facilement, surtout si t'as de l'anxiété ou un petit peu d'insomnie. On dit aussi que c'est pas important le genre d'exercice que vous faites ou quand vous le faites. L'entraînement par résistance et l'entraînement cardio améliorent le sommeil. Donc, tout ce qui importe, c'est que tu fasses quelque chose, nous dit lifehacker.com. Et même lorsque tu... voyons, on va commencer ça. Hein? Le moment de tes exercices sont aussi une question de préférence. T'entraîner le matin peut t'aider à te réveiller, à te donner plus d'énergie pour la journée. Les sessions d'après-midi, c'est mieux quand tu veux te pousser parce que t'es à ton sommet de performance physique. Oui. Et malgré ce que t'as peut-être entendu, les entraînements de soir, environ 2 heures avant de se coucher, peut t'aider à t'endormir plus rapidement. Ah oui, je savais pas ça. Mm-hmm. Ensuite, c'est une question que je me suis posée fréquemment, peut-être que toi aussi. Quand t'achètes un aspirateur, ça vient avec un paquet d'embouts. Oui, hey, Moses, oui. Et tu te demandes, ces embouts-là, ils servent à quoi c'est? Ben, ça dépend quel type de plancher tu as. Ça dépend de plein de choses, entre autres, ça, oui. Entre autres, il y en a qui disent que le long tube, c'est l'attrapeur d'araignées. Donc c'est Real Simple qui a un graphique qui nous montre chaque attachement d'aspirateur qui existe, de la base au super spécifique. Donc un tableau qui va vous enseigner bien des choses. Par exemple, l'attachement qui ressemble à un long tuyau, en effet, comment ça fonctionne? C'est un tube de 18 pouces qui ajoute donc à ton pas ta hose, mais si on veut, à ta hose, pour atteindre tes ventilateurs. Okay. C'est pour ça qu'on ajoute 18 pouces pour te rendre jusqu'à ton ventilateur. Oh, ça ouais. peut être aussi pour les conduits d'aération, les cadres de portes, le haut de murs très, très élevés, sans avoir besoin de petits escabeaux. Donc, c'est pour ça qu'on a le grand tube. Ça s'appelle une extension, une baguette à extension. Ensuite, l'outil qui est fait un peu comme le bout de l'aspirateur, c'est comme un T, si on oui. veut. Ça mesure entre 4 et 6 pouces de large et ça amène la suction sur les fibres des meubles. Donc, c'est pour aider à enlever les poils d'animaux, les mousses, etc. Donc, c'est à peu près ça. Ah, oh, ouais. Ensuite, le nettoyeur à crevasse. Donc, celui qui est en genre de diagonale, là, celui qui est plus pointu vers le bout. Oui, ça, là, c'est parfait si vous avez des calorifères. Oui, ben exactement, tout à fait. Donc, ça a un angle, ça mesure entre 8 et 12 pouces de long pour attraper les débris dans les endroits serrés, comme l'espace entre le réfrigérateur, peut-être, et ton poêle. Ça pourrait être plein de trucs comme ça. Et entre autres, comme tu as dit, pour les calorifères. Et tu as la brosse épousseter. Ça, c'est la brosse qui est comme un genre de petit... c'est comme un rond, c'est comme une brosse à vaisselle, si on veut. Donc, ouais. avec des petits pics très, très piquants. Ça mesure environ un pouce et ça entoure l'ouverture de l'outil, ce qui donne de l'abrasion un petit peu pour déloger les particules sur des lampes, sur des fenêtres, des screens même, sans faire de dégâts. Ah oui? Ça, c'est des... J'ai toujours pensé que c'était trop dur. Trop dur, non. C'est fait pour ça. Ça s'appelle donc le Core 4. Donc, c'est la plupart des aspirateurs qui viennent avec ces accessoires-là. Pour les ajouts, ceux qui sont... peut-être un petit peu plus fancy, peut-être qu'ils sont un petit peu moins disponibles habituellement. T'as le Fan Blade Duster. Si tu ajoutes ça au bout de ta hose, voilà, tu peux oui. facilement te rendre, encore une fois, sur les ventilateurs. C'est celui qui a une espèce de... On dirait qu'il y a un balai au bout. C'est comme des petits poils de oui. tissu. Donc, c'est fait pour balayer les fans. Tu pars au centre du ventilateur et tu vas vers l'extérieur. Et bon, ça, c'est de la microfibre qui est au bout. Ça, c'est... Si vous avez des animaux, par exemple, faites attention. Ils vont penser que c'est un jouet. Oui, automatiquement. T'as l'attachement qui est un floor sweeper qui est fait pour balayer le plancher pour les aspirateurs à bois et à tuiles. Okay. C'est 12 pouces de large. C'est des petits bouts de tissu. Comment t'appelles ça? C'est du comme une brosse à dents. Là. Des fibres? Des fibres, des fils, c'est ça. Donc, d'un demi-pouce de long qui vont se combiner avec la suction de l'aspirateur pour amasser plus de poussière entre les cracks et dans le bois. Franc. Ça, donc ça ressemble à un balai un petit peu au bout. T'as la brosse multi-angle. T'as la brosse Power Brush. Attends un petit peu, la multi-angle, c'était quoi? Elle doit pouvoir aller dans plusieurs angles différents. C'est pour les compartiments dans la voiture, entre autres. Ah, OK. Ouais, quand même cool. Ça, il est comme fait un petit peu, il est comme un petit peu flexible, multi-angle. Le Power Brush, on a pas mal vu ça, je pense, sur les aspirateurs. En tout cas, moi, celle que j'ai achetée, il y avait tout le temps les ça. Les nouveaux, là. Les plus récents, c'est ça. C'est une petite un petit aspirateur minuscule. C'est fait pour les escaliers. Oui. Il est vraiment plus mince que les autres, plus moins large. Donc, c'est un mini outil motorisé avec une brosse rotative qui aspire la poussière et les poils des escaliers en quelques secondes. T'en as un qui est pour le matelas, t'en as un qui est pour la voiture avec un genre de patte de canard ou bec de canard. Non, c'est patte de canard. Et t'as la brosse à radiateur. Je vais vous laisser aller voir ça sur assemblagerequis.com parce qu'on les voit beaucoup, beaucoup moins souvent, ceux-là. Mais si ça vous intéresse, l'article est sur le site. Pour les embouts d'aspirateur, je m'étais toujours posé la question. Voilà. C'est tout pour les instructions d'assemblage. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on prend une pause et au retour, c'est la chronique de la GEQTR. Oh! Vous écoutez Assemblage Requis en ce jeudi 13 octobre 2016, c'est Tania Boulin. Et Mathieu Plante. Oui, à chaque semaine, on a le plaisir de recevoir quelqu'un de la GEQTR et on pensait avoir une rotation de gens, mais je pense que c'est vraiment habitué à nous. Je pense qu'il c'est ça, c'est parce que... Il s'est attaché. Il rendu à beaucoup trop. Ah, oh, t'es fin, on t'aime aussi. Ah, oh, c'est Alex Marchand. Plein d'amour. Voici la chronique de l'AGA UQTR. AGA UQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGA UQTR parce que l'AGA UQTR, ça n'a pas d'âge. Yo. J'ai cherché ce matin pour vrai. Directement ce matin, j'ai cherché la version avec d'autres phrases dedans, mais les phrases sont incompréhensibles. Je comprenais même pas ce que je disais dedans. Oh mon dieu. Faudrait que je l'amène pareil un jour. Faisais-tu un trip d'acide dans ce temps-là? Je pense que je suis pas encore habitué à l'horaire matinal. Bref, Alex Marchand, président de la GAQTR, on n'a pas n'importe qui. Ouais, ouais, oui. C'est pas... qui va nous parler des activités qui ont eu lieu depuis la dernière chronique, le présent et le futur, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc on revient sur quoi en premier, Alex? Ben, on va commencer par revenir sur le tailgate des Patriotes ainsi que la game des Patriotes qui se déroulait hier, tout d'abord à la Chaise Galerie, où on a pu aussi assister à le dévoilement du thème du carnaval. Ah oui, donc, c'est Ah, t'as raison, c'est pour ça qu'il y a l'Orignal qui est venu me faire un petit coucou dans la fenêtre pendant Mathieu Planchot hier. Oui, exactement. c'est qui dans la bille, je veux savoir. Ah, ça, je peux pas le dire. C'est un secret professionnel, je suis... C'est lui! Est-ce que l'Orignal, c'est la mascotte juste du carnaval en tant que telle? Oui, c'est la mascotte du carnaval, exactement. Mais c'est comme le crest, pas le bon mot en français. L'emblème, on va y aller avec l'emblème, c'est bon. Exactement, mais c'est un chevreuil, fait qu'il y a quelqu'un qui a décidé de s'acheter un costume de chevreuil puis de perpétuer ça. C'est quelqu'un un particulier. Oui, exactement, il fait ça bénévolement, puis il aime beaucoup ça, fait que... On laisse faire. Très bien. On laisse faire. Carrière. On lui fait laver une fois de temps en temps pour l'odeur. Idéalement, là. Donc, c'était hier, mercredi, que ça avait lieu. Le tailgate était à la Chasse-Galerie. Après ça, il y avait le match. Comment ça s'est déroulé toute la soirée comme ça? Oui, c'est ça. Ben, ça a été. On a eu beaucoup de monde, en fait, à la Chasse-Galerie pour le déroulement du thème du carnaval, entre autres. Il y a eu de l'animation un petit peu après, l'explication directe du hockey, parce que les étudiants internationaux par le bureau de l'international avaient été invités. Donc, c'est pas tout le monde qui savait comment ça se jouait le hockey. Donc, ça peut être expliqué. Mm-hmm. Un petit quiz hockey aussi. Peut être faite à la Chasse-Galerie. Puis après ça, il y a des navettes qui partaient du pavillon de la vie étudiante jusqu'au Colisée. Donc, directement à l'entrée. Fait que là, tout le monde a pu rentrer. C'était gratuit avec la carte étudiante en plus. Donc, c'était vraiment le fun pour ça. Puis on a pu assister à une game vraiment intéressante. Là, dans les 5 premières minutes, il y a 3 buts qui ont été marqués. Quelqu'un voulait impressionner quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était le temps. Là. Il s'est dit, il y a du monde dans l'aréna. Donc, ça a bien fini, j'entends dire. 7-2, exactement. Bravo. Oui, vraiment. Puis ben, c'est important de savoir que Ottawa, c'était, j'entends Baptiste Daniel Payette qui nous a dit que c'était un club qui vient de revenir dans la ligue. Il y avait eu un petit problème, je crois, au niveau des initiations, si je me rappelle bien, il y a quelques années de ça. Donc, ils ont dû. L'université a décidé de couper dans le programme de hockey pour quelques années. Fait que là, ça vient de recommencer. C'est normal que ce soit un club qui tire la patte un peu. Mais les Patriots ont quand même démontré une bonne force et un bon caractère en marquant 7 points lors de leur première partie. Là, on espère que ça donne le ton pour la saison. Ouais. Est-ce que le reste des matchs sont aussi gratuits pour les gens qui ont leur carte étudiante? Ça fonctionne comment, les matchs? C'est une très bonne question. C'est la même chose. Même chose, OK. Ah. C'est lorsque tu es étudiant et que tu présentes ta carte, tu rentres toujours de façon gratuite. C'est fantastique, ça. Incroyable. Avant de parler de hockey, tantôt, j'ai complètement oublié de dire au moins, genre, c'était quoi le thème du carnaval, peut-être? Oui, c'est, oui, pas c'est... c'est vrai, ce sont les séries télévisées. Oh, cool! Donc, hier, chaque association étudiante de chaque département de l'université sont allées piger un thème. Donc, il y en a, par exemple, que ça va être The Walking Dead. Il y en a d'autres que ça va être, par exemple, je sais pas si j'ai vu Suits, mais je l'ai en tout cas... Ramdam. Ouais, Ramdam. OK, donc, dans le fond, OK, parce que depuis, je sais pas si ça fait comme 3 ou 4 ans de suite, que c'est toujours un thème différent, mais ça a toujours rapport avec les années 90. Ouais, ben c'est vrai. C'était tout le temps les années 90. Fait que là, quand tu m'as dit les séries télé, j'ai pris pour acquis que c'était les séries les de notre 90, enfance. Mais là, tu parles que c'est les séries en général. Oui, exactement. Il était temps, un petit peu, en tout cas, pas qu'il était temps, hein, mais c'est bien d'innover. Oui, effectivement. Parce que là, les années 90, ça va faire. Ah, les gens, là, ils sont nostalgiques, Mathieu, OK? Ouais, mais reviens-en. À chaque année. Vu comme ça. À chaque année. Toujours quelqu'un qui se déguise en Billy Joe Armstrong, on ne sait pas pourquoi. On sait pas. On le sait pas. Donc c'est cool, les séries télé, j'aime ça. Très bonne idée. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Puis sinon, c'est pas mal ça pour ce qui s'est déroulé hier, en fait, au niveau des Patriotes. Puis du tailgate, c'était super le fun, beaucoup de plaisir, belle game, puis bref. Puis le GS, c'était juste des affaires super inside, internes, que personne ne s'est intéressé à entendre, qui sont passées depuis les 7 derniers jours. Ah, ben c'est de l'administration, c'est de l'interne, exactement. Ça roule. Des papiers à signer. Ah oui, la ouais. bureaucratie. Ah, c'est ça. Donc voilà pour le passé. Présent, j'entends dire quelque chose avec des saucisses. Oh. J'entends ce mot-là? Oui, mais avant, par exemple, je veux juste dire quelque chose. Par exemple, hier, il y avait quand même même une activité de la coupe des associations, qui est la coupe qui va regrouper toutes les associations de qui veulent s'impliquer puis veulent gagner des points pour avoir la coupe des assos, en fait. Ouais. Puis il y avait une activité, il fallait assister à la game des Patriotes, en fait. Ça aussi, ça mobilisait des associations pour y aller. Il y avait quand même un bon public. C'est fou comment les gens se déplacent quand il y a des points à gagner quelque part. Oui. Après ça, il n'y en a plus. C'est des points de fou aussi. C'est juste pour une coupe en tant que telle. Ouais. C'est pas super important. Mais pour eux, ils prennent ça à cœur. C'est bon, ça. Oui. Il y a des bourses, par exemple, pour les associations qui sont liées à la coupe. Fait que, c'est quand même intéressant. Le c'est, détail important. C'est 500$ pour l'assaut gagnant. Wow! Quand même, hein, ça te fait un petit party. Ça a du sens, ça a du sens. L'alcool. Oui, l'alcool. Bref, donc on parlait de saucisses. Oui, c'est ça, ça sent la saucisse, effectivement. Yeah. Parce que ce soir, à la Chasse-Galerie, on assiste aux 5 à 7 des cycles supérieurs. On associste. On associste. Oh, ça, c'est un très bon jeu de mots, j'adore. Donc, c'est ça, en fait. C'est le vice-président aux affaires académiques des cycles supérieurs qui organise. Et ça va être sur une thématique un peu de génie en herbe. Donc, il y a des questions qui ont été rédigées. Puis encore les années 90, hein? Mais, 15 ans! Vous compris. Mathieu sera pas là. Les quiz télévisés. C'est ça. Ouais. Puis en fait, c'est réservé pour les cycles supérieurs pour avoir la saucisse puis la bière gratuite. Donc, c'est important d'arriver tôt aussi. Puis en fait, tu vas avoir le bureau des diplômés qui va être là pour scanner les cartes étudiantes, savoir c'est qui est au cycle supérieur, qui ne l'est pas. Puis c'est ça, il va falloir de la saucisse à volonté, de la bière en quantité limitée, mais pas parce que c'est quelle sorte de saucisse? Est-ce qu'il y a un échantillon? Est-ce que c'est présenté par quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir des barbecues douces? En fait, on a 3 fournisseurs de saucisses. Pas juste un, là. C'est pas juste la fleur, là. Ouais, wow. Effectivement. Donc, ça va vraiment être délicieux. Je l'espère bien. Alex a faim déjà. Pour vrai, ça a l'air écœurant. Je fais un jeûne aujourd'hui pour être sûr d'avoir assez faim de manger le maximum de saucisses ce soir. La bière de la Chasse-Galerie, j'imagine? Oui, exactement. Ça va être sur place. Sur la Chasse-Galerie, alors on va utiliser la bière qui est sur place, qui est déjà très bonne aussi, à la Troupe du Diable, puis beaucoup d'autres bonnes bières. Donc, ouais. Une bonne sélection depuis l'année passée, je crois, à la Chasse-Galerie. Là, ça s'est vraiment amélioré avec le fût installé sur le miroir derrière le bar. Là, c'est parfait! Oui! Il fallait ça, je pense. Ouais. Puis on a aussi les étudiants des cycles supérieurs qui veulent y assister à arriver tôt parce qu'il va y avoir la formation des équipes pour le génie en herbe. Puis il faut s'inscrire pour pouvoir être sur place. Donc, pour pouvoir jouer, en fait, c'est des équipes qui vont être faites au hasard, mais quand même, il faut être là pour les inscriptions si vous voulez vous jouer au génie en herbe. Donc, à quelle heure on arrive? 5h. Entre 5h et 5h30, je crois que c'est l'heure idéale. Et ça commence à. Ah, ça, par exemple, c'est une surprise. C'est une surprise. Soyez-y à cette heure-là, puis on verra bien. Hein? Exactement. Ils savent pas encore, ça dépend du nombre de bières consommées par les gens. Exactement. Faut se faire un chiffon avec la bière et avec la saucisse tombe. Ah, ça va être génial. Donc, ça, c'est ce soir, étant jeudi. Oui, exactement. Puis on attend déjà une centaine de personnes à peu près, donc venez en grand nombre. Entre autres, j'ai parlé avec un des doyens hier qui disait qu'il va être présent. Probablement qu'il y a quelques doyens aussi qui vont être présents. Donc ça peut être intéressant aussi pour faire du réseautage pour les étudiants des cycles supérieurs. Doyen, ça sonne comme douanier. Fait que j'ai envie de dire, il va passer au douaille. Il va passer au douaille. C'est ça, c'était pas ta meilleure. Non. Cette phrase a eu beaucoup d'utilisation cette semaine de la part de tout le monde qui est de l'autre côté de la table. Je sais, hein? Ouais. De mon côté, la phrase est wow, good job, man. Ouais, c'est ça. Dinan est mort, fais la peau. Autre chose? Ben, c'est pas mal ça qui se passe à la logique de ce temps-là. Là, il y a le concours de citrouilles pour la Coupe des Assos qui s'en vient. Est-ce qu'il faut gruger dedans? Là? Ça a l'air, ça pue, ça. Ben oui, sauf que j'ai vu un nouveau trend ce matin sur Facebook qui est celui d'utiliser des ananas à la place de citrouilles. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi. Si vous saviez à quel point la vice-présidence aux affaires socio-culturelles tripe sur les ananas, je recommande fortement aux assos d'utiliser des ananas à la place d'utiliser des citrouilles. Ça se pourrait qu'il y ait des points. Vous allez gagner des points, c'est ça? C'est quoi son nom? Solange Lapierre. Je savais que c'était elle, parce que je voulais faire un jeu de mots avec Anana puis Solange, puis je cherchais dans ma tête. Solananange! Solananange! Solananange! Ça l'appellera de même. Solananange! Pas sûr qu'elle va comprendre. Aïe, écoutez Assemblage Requis, espèce de loser qui manque ça tous les matins. Il se passe tellement de niaiseries là-dedans, tu peux pas manquer ça, c'est comme un accident de char. C'est pareil. Tu peux pas manquer un accident de char. Non, c'est vrai. Tu t'en reviens-tu la tête? Tu fais comme tout le monde, puis tu regardes genre en prenant ton temps pour regarder parce que t'as attendu 2 heures de trafic avant de faire là. Puis tu dis, bon, je vais faire comme tout le monde à la place d'accélérer rapidement. Là, mais pour revenir au concours de citrouille, tu disais, d'ailleurs, tu pourrais patauger dans la citrouille pour essayer de la vider. Après ça, j'entends dire que les spéciaux sur les pumpkin spice latte à Chasse-Galerie vont être écœurs. Oh, haut. Ça s'en va tout là. C'est ça. Il est directement en fût. Puis tu veux un citrouille épicée, c'est exact. Directement les restants. Là. Merci, Alex Marchand. Ben, merci à vous de me recevoir tous les jeudis comme ça. C'est bien, bien, bien apprécié. C'est le fun. Jeudi, toujours à 8h, la chronique de la GQTR. Et on te regarde aussi agir sur scène à la Luître les lundis soirs à 20h. Oui. De retour la semaine prochaine. Oui, effectivement. T'es dans quelle équipe déjà? Elle est rouge. Donc, tu joues pas la semaine prochaine, fait que là, d'après. Oh, d'après, ça se non, mais ça veut peut-être dire qu'il va boire. Bon, il va boire. Hey, c'est dans longtemps, ma prochaine game. T'as raison. Les A, c'est drôlement équilibré, mais que voulez-vous? Hey, d'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose. Celui qui animait hier le tailgate et la game des pattes, c'était Gabriel Béhout, qui est d'ailleurs mon capitaine dans oh! la lutte. Il nous a pas dit ça, il nous a caché ça. Wow. Je l'ai appelé pour la première fois hier sur Facebook, Barbriel. Barbriel. Barbriel. Parce que t'as vu sa barbe, évidemment. Ah, mon Dieu, ça, c'est un très bon jeu de mots. Merci. Mais encore c'est assez difficile de la manquer. Je vois que t'as pas besoin de café pour être efficace. Non, j'ai pas encore commencé. Donc, aujourd'hui, on a retenu Solène Anange. Solène Anange. Et Barbriel Béhout. C'est merci. Parfait. Je pense que je vais strictement l'appeler comme ça maintenant. J'ai hâte de vous croiser les corridors et de faire « Hey, Solène Anange! » Barbriel. Barbriel. C'est vrai, un nom de marin. Genre. Un nom de pirate, oui, mais ouais. ça fit là, avec... Avec le personnage. Avec le personnage, c'est grave. Le méchant Barbriel. C'est comme Gargamel. Oh! C'est vrai que ça se ressemble, en plus. Ah, ben, oui. C'est bon, ça. Oui. Gargamel. C'est parfait. Les années 90, on revient, hein? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Alex, merci encore. Ça fait comme 4 fois que je te dis merci, mais merci. Oui. Puis une autre affaire. Bon! Ah, c'est lui qui veut rester. Reviens-en! Je lui ai dit que j'avais ça avec vous. Mais vas-y, Gabriel, il fait ça des fois. Après, c'est un collègue qui parle d'impro, il parle d'impro, puis après ça, on parle de notre déjeuner. De n'importe quoi. C'est ça, tu peux faire ça aussi. Oui, c'est concernant le jingle du début de la GQTR. On a parlé la semaine passée après la chronique. Puis on va peut-être le refaire bientôt. Ah, peut-être, oui. Donc, ça. Tenez-vous bien, chers auditeurs. Oui. Est-ce que ce serait une bonne façon de se quitter, je pense? Les coups de flûte seront peut-être pas aussi bons si c'est moi qui les fais. On a besoin de très bons instruments. À la semaine prochaine, Alex. À la semaine prochaine. Ah, je quitterai. AGEUQTA. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTA. Parce que l'AGEUQTA, ça n'a pas d'âge. Yo. Pro. Talking slow. Why are you? Charlotte Day Wilson, Find You dans Assemblage Requis ce matin. Assemblage Requis. Assemblage Requis. Au retour à Assemblage Requis, c'est Tonya is gonna entertain you. Exactement. Assemblage Requis, ce jeudi 13 octobre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Mm-hmm. Maintenant, c'est le moment de l'émission où on accueille officiellement une chroniqueuse qui est là tous les jours. Ah ouais? Elle s'appelle Tania Baudin. Ouh. Certains l'appellent Tonya. Tonya. Mais son vrai nom, c'est Tania. Hein, Tania? Ou Tamia. Ou Tamia. Pour les gens avec qui j'allais au primaire. Naya. Au primaire. Tania. En tout cas, bref, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle Tania des fois, parce que she's gonna entertain ya. Est-ce que tout le monde connaît la chanson d'ouverture de cette chronique-là? Est-ce qu'on va pouvoir toute la chanter ensemble? Je sais pas. Ouais. On va essayer, on va essayer. Attention. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! Ah, oh, c'était beau! Oh, wow! On dirait, tu sais, là, les cantines au primaire. Oui, les cantines, hein? C'est pas des... Ah, des comptines, comptines! Comptines, manger une pointe de pizza au primaire, tout ça. Pareil. Un petit hot dog, là, une c'est cantine, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je vous entertain. C'est ça! Hé, hey, aujourd'hui, tu déparles, Tania, mais c'est ça, fun. Ça a pas d'allure. Ça met de l'humour dans l'émission. C'est le manque de sommeil et le vin d'hier soir. Ah oui, ça a bu. Ah bon, on va sauter les détails de ta vie personnelle, ouais. Alcoolique. Et voilà. Hein? On a un invité spécial avec nous aujourd'hui, Tania. Ah, de quoi tu parles? Il parle pas, je l'ai juste mis devant le micro pour qu'il soit. C'est ça. C'est pas vrai, c'est l'animateur de Très Blues Assez Fou, le jeudi soir, 19h, Denis Bourdin! Yeah, bonjour! Stop! Ok, là, vous vous demandez pourquoi est-ce que Denis Bourdin est dans Assemblage Requis ce matin. Ouais. Non, le show de ce soir n'est pas spécial, mais hier, il est arrivé quelque chose de spécial, Denis. Ben bonjour! Ben bonjour! Bonjour! Il a chanté avant de dire bonjour! Ouais, c'est ça! C'est tout faire de la radio, je t'ai mis du dans le hier, papa, tu as reçu l'Ordre de la Vérendrye. Oui! La plus haute distinction que l'on peut recevoir à la ville de Trois-Rivières. Exactement. Là, j'ai dit à mon père. Il doit être gêné, là. Que ça voulait peut-être dire qu'il pouvait être calculé comme étant une personne âgée. Ah! Ça veut dire qu'il peut maintenant mourir. Surtout que le thème d'hier, Mathieu, ouais. Au moment de la remise de l'ordre de la Vérendrye avec mes deux collègues, parce que la ville reçoit 3 personnes par année, okay. Mme Carmen Cossette et Jacqueline Deschaines-Giroux, les deux madames étaient dédiées à l'âge d'or. Oui. Ah, t'es pas sérieux. Puis c'est ça. Fait que j'ai dit à mon père, maintenant t'as le droit. Je pense que la petite carte peut venir. Il est tout fringant, il est tout jeune. Regarde-moi ça. C'est ça que le maire a dit. Ben oui, mais là. Il a dû penser que t'étais plus vieux que ça. Ben oui. Il s'entretient bien. Oh, cette famille. Quand même. Hein? Quand même. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que l'Ordre de la Vérendrye, comme je viens de le dire, c'est la plus haute distinction qui est décernée à Trois-Rivières. Mais c'est le but de tout ça, là, c'est de souligner l'action méritoire et exemplaire de certaines personnes. Donc, à chaque année, on y va pour un nombre de 3. On n'essaie pas vraiment d'aller plus haut que ça par année parce qu'on en donnerait à tout le monde, ouais. Bien évidemment. Hey, là, t'es en train de dire que ce qu'il fait, tout le monde le fait. Là. C'est pas important. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Au contraire. Mais c'est aussi donné à des gens qui ont contribué au mieux-être de leurs concitoyens et bien évidemment au rayonnement de la ville. Donc, un peu être ambassadeur de la ville de Trois-Rivières. Et Denis, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as reçu cet ordre-là hier? On fait pas de la télévision parce que je suis un peu rouge. Ouais, hein? Je trouve ça drôle. Ben, j'imagine qu'on m'a remis ça pour certaines implications, certaines qu'on a nommées hier. D'ailleurs, j'ai, entre autres, fait partie du premier comité qui a créé le Festival des amuseurs publics, qui est devenu un mondial des amuseurs publics à l'époque. J'ai été impliqué aussi au niveau du logement social à Trois-Rivières. via l'entreprise ou l'organisation sociale qui s'appelait à l'époque les Habitations Populaires, mm-hmm. qui fonctionne toujours et qui a pris une tangente, toujours dans le social, mais qui a pris une tangente vers les traumatisés crâniens, le service à ces personnes-là. Il y a eu la maison Martin-Matte qui va se construire à Trois-Rivières. Ces gens-là sont en arrière de la réalisation de la maison Martin-Matte. C'était tout des choses du genre. À l'époque, j'étais sous le conseil d'administration. On gérait 700-800 logements à l'époque, mmh. Et toujours pour donner de l'accès au milieu défavorisé, l'accès à des logements de meilleure qualité. J'ai aussi été beaucoup, beaucoup impliqué. Juste un petit peu, un petit nombre d'années. Ouais. Un peu en sport automobile dans les 35-38 dernières années. J'ai été impliqué au niveau du Grand Prix de Trois-Rivières, au niveau de la Fédération Auto-Québec, au niveau de plusieurs séries, quelques séries américaines, au niveau du Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai fait plusieurs de bénévoles de la base à aujourd'hui diriger quelques comités là, au Grand Prix de Trois-Rivières. Je pense que c'est beaucoup pour mon implication au Grand Prix de Trois-Rivières qu'on m'a remis ce prix-là hier. Dans la portion rayonnement, je me suis toujours fait plaisir de dire partout où j'étais, puis j'en ai parlé un petit peu hier, là, de Halifax à Las Vegas, que je venais de Trois-Rivières, ouais. Et que le Grand Prix de Trois-Rivières, c'était quelque chose de particulier. Et à travers ça, ben il y a C'est fou. On a parlé de C'est fou hier. Bien sûr, bien sûr. Ah, ça a été nommé au Canada. On a nommé C'est fou. Wow! Donc, les jeudis 19h à 22h, très bleu, ça c'est fou. Oui. Rediffusion les dimanches après-midi. Effectivement. Oui. On va le dire. On va le dire. Oui, on parle de blues. Et ça fait partie, c'est l'ensemble de l'œuvre. Et puis, le peu de temps que j'ai été à la maison avec la famille, on a payé le prix. Eh ouais. D'ailleurs, Tania, Denis, Tania. Oui, exactement. Bonjour. Je suis ton père, Tania. Je suis ton père. Exactement. On doit dire aussi que la moitié de la plaque a été remise officiellement à ma mère. Oui, ils ont lancé la plaque comme chocolat. Oui, tout à fait. Mais je pense que j'étais. Ça me fait plaisir de dire que j'ai été là avec un esprit que je représentais un groupe en arrière de moi. Ouais. Un groupe d'individus avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai passé des bons moments. On s'implique bénévolement ou dans différents projets. Parfois, c'est pour aller trouver des amis. Et ça a fonctionné. Ah. J'ai trouvé beaucoup d'amis. Je me suis fait des connaissances et des vrais amis. Pour toujours. Pour toujours, et je fais une grande distinction entre l'amitié et les connaissances. Oui, oui, oui. Tu sais, mais j'ai des connaissances partout dans le monde, mais j'ai aussi des amis partout dans le monde, dans ce milieu-là. Là, c'est l'aspect entrevue. Papa, je pense que c'est la première fois que je vais te passer en entrevue, mais en recevant l'ordre de la véranderie, je pense que j'ai comme pas le choix de te demander qu'est-ce que ça représente justement pour toi être ambassadeur de Trois-Rivières. Ah, c'est un grand privilège. C'est aussi un honneur. Être ambassadeur de Trois-Rivières, c'est faire voir ailleurs qu'on existe, mm-hmm. mais qu'on existe pour les bonnes raisons. Et qu'ici, il y a des gens qui travaillent à Trois-Rivières, que ce soit dans différents milieux, aussi pour les bonnes raisons. C'est un milieu de vie assez particulier, assez incroyable, Trois-Rivières, où on peut faire de la radio jusqu'à la télévision et s'impliquer dans différents domaines sans qu'on regarde ta qualité professionnelle, ta qualité financière. On va prendre les gens pour ce qu'ils sont et avec ça, ben, on va construire des choses et on construit beaucoup de choses à Trois-Rivières. On a construit des festivals incroyables. Le Festival de la poésie qui vient de se terminer, c'est encore un autre festival international. Le Festival de danse encore qui est un autre festival international. On a un rayonnement important et je pense que propager ce rayonnement-là, c'est une des choses qui est intéressante pour moi. Ça me fait plaisir de le faire. Plusieurs implications, plusieurs années d'implication dans différents domaines, commission scolaire, tu viens de le dire, bénévolat du côté Grand Prix de Trois-Rivières dans les différents festivals. Je pense que je vais te demander, qu'est-ce que va devenir Trois-Rivières pour toi d'ici une couple d'années? Trois-Rivières va devenir, comme je disais, un milieu de vie intéressant, mais aussi un milieu de vie où il y aura, qui va exploser encore. Il y a des projets extraordinaires qui s'en viennent à Trois-Rivières. On le voit. Je suis loin d'être dans le secret des dieux, mais infrastructures, les infrastructures que Trois-Rivières se donne, la dynamique municipale qui s'installe, que ce soit par la nouveauté des les nouvelles idées qui rentrent à la direction de la ville ou à le conseil de ville de Trois-Rivières, l'ouverture de ces gens-là à aller chercher des jeunes. Tu sais, Tania, j'ai toujours aimé travailler avec des jeunes. Dans tous mes projets, j'ai tenté d'impliquer des jeunes, de tirer des jeunes de 10-12 ans à l'occasion en disant, ben viens, prête-moi ton gars, prête-moi ta fille. Oui, prête-moi ton gars, prête-moi ta fille. On va y faire vivre des choses et ça va devenir l'avenir. Et il faut que ça se protège. Mais Trois-Rivières est là pour rester. Trois-Rivières est là pour prospérer. Et je pense que Trois-Rivières va devenir une ville où il va continuer de faire bon vivre. Je pense qu'à Trois-Rivières aussi, le bénévolat, c'est quelque chose qui est important. Il y a des villes où on voit ça beaucoup moins souvent, mais je pense que la population de Trois-Rivières est justement sensibilisée au bénévolat parce que si tu te promènes à Trois-Rivières, je pense qu'il n'y a pas une personne qui a jamais fait de bénévolat quelque part dans la ville. Donc, de ce côté-là, C'est des événements, particulièrement au niveau des événements. Et moi, dans ce qui me concerne, je fais beaucoup d'événements. Le Grand Prix de Trois-Rivières ne pourrait pas exister sans l'implication des 700 bénévoles. 700. C'est 700 bénévoles minimum, le Grand Prix de Trois-Rivières. On a monté un moment donné jusqu'à 1000 bénévoles. Ah oui. Si tu payes tout ce monde-là, c'est impensable. C'est ce qui fait qu'il y a des événements à l'extérieur qui, malheureusement, tombent, ne fonctionnent pas parce qu'il manque de ressources. Et ce qui est plaisant d'apprendre parfois, c'est que la connaissance où les gens de Trois-Rivières sont demandés pour aller structurer, organiser, partager leurs connaissances dans d'autres événements. Il y a des choses qui vont sortir dans les prochaines semaines où c'est encore le rayonnement de Trois-Rivières qui va arriver et ça sera plaisant de les partager à ce moment-là. On est trop tôt, mais quand ça arrivera, vous verrez qu'encore une fois, l'expertise bénévole de Trois-Rivières est reconnue et est demandée. Bien. Moi, je veux dire félicitations en nombre, que tout le monde Merci. Le sache. Je suis très, très fière. Merci. Tu l'as dit hier en prenant quelques coupes de vin. Ouais, oui, exactement. Des fois, je dis, ouais, c'est beau, OK, c'est correct, je suis la fille de Denis Bourdin, mais hier, j'étais fière de le dire. Oui. De ce côté-là. J'ai vu sur Facebook aussi, il est vraiment fier pour frère. Là. Oui, c'est vrai. Ça. Ben, je pense que mon père est le meilleur exemple de bénévolat que j'ai pu avoir. Ouais. Si je suis autant impliquée dans plusieurs choses très, très différentes, c'est grâce à mon père. Alors, papa, de merci et félicitations. Parce qu'elle n'a pas eu le choix, elle peut pas rester toute seule à la maison. Exactement. À Palau. C'est ça. Et en terminant sous un autre ordre d'idées, à quoi va ressembler ton émission de ce soir? Oh oui, très beau, ça c'est fou, 19h jeudi soir. Ben, ce soir, l'émission est prête. J'ai eu une semaine très chargée, mais j'ai quand même eu le temps de préparer l'émission. Comme toujours, beaucoup, beaucoup de musique. Ce soir, malheureusement, les intervenants externes, Steven Hubert est occupé de raisons personnelles et Paul Deslauriers est en spectacle, donc Paul ne pourra pas faire sa chronique. Donc, on a vraiment beaucoup de musique à vous présenter et quelques découvertes encore, des trios d'artistes, là, c'est-à-dire trois pièces du même artiste dans différentes gammes. Et j'ai reçu hier le nouveau disque de Colin James. Oh! Et donc, on va écouter trois pièces du nouvel album de Colin James, qui est très, très bon. On se rappelle que Colin James a joué cet été à Trois-Rivières en blues dans le magnifique amphithéâtre de Cogeco de Trois-Rivières. Mais merci beaucoup, papa, d'être passé au studio. C'est vraiment gentil. Merci, Coca. Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas de surnom comme ça. J'ai pas droit à un surnom, moi. Ah non, mais la relation est moins longue, mais tu vois. C'est ça. On est dans une couple d'années. Mais plus intense, c'est ça. Vous me réinvitez quand vous voulez, je vous apporte du café. Excellent, on adore ça. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu parce que je sais que Tania veut parler de nouvelles, c'est ça? Oui, on va faire le retour sur ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Et ce matin, je pense que je ne peux pas faire autrement que de le mentionner. Là. La nouvelle conjointe de Pierre-Carl Péladeau a été trouvée sans vie. Je ne me rappelais pas du reste de l'histoire. Non, c'est correct. Okay. Mais ça serait une histoire de suicide. Ouais. Alors, de ce côté-là, on envoie toutes nos condoléances à Pierre-Carl Péladeau. Ouais. Mais je pense que on devait au moins le mentionner, c'est assez important, c'est un petit peu partout ça vient de se passer sur, ouais, sur Internet ce matin. Une autre nouvelle, eh bien, le prix Nobel de la littérature a été remis à Bob Dylan. Donc, oui, le chanteur américain Bob Dylan, dont les textes poétiques ont quand même influencé beaucoup de musiciens depuis un bon nombre d'années, a été sacré jeudi, donc ce matin. Là, ben, nous, c'est jeudi, en fait, mais ouais, eux, genre, c'était comme non, hier. Là, a reçu le prix Nobel de littérature, donc premier musicien à recevoir cette prestigieuse récompense-là. C'est quand même flatteur, mais c'est le fun aussi de voir l'avancement, que ça va pas s'arrêter nécessairement juste au livre que tu as écrit ou encore au poème que tu as écrit. Là, on parle de musiciens, on parle d'écrivains, de chansons. Donc, de ce côté-là, c'est le fun de voir qu'il y a une espèce d'avancement de ce côté-là aussi, de renouveau du côté de la remise des prix Nobel. Alors, félicitations à M. Bob Dylan. Mmh. Du côté de... Je sais pas comment qualifier ça, mais... Moi, je vois la nouvelle. Est-ce que tu veux y inventer un thème? C'est en fait, Mathieu, Wonder Woman va devenir ambassadrice des Nations Unies. Colin, wow! Oui, c'est quasiment de l'insolite, je pense. Ça va très bien avec les pauses que tu as parlé plus tôt, Mathieu. Oui, absolument. Avec les pauses de sport héros. Power pose. Vous voyez que je vous écoute, hein? Ouais, exactement. Est-ce que c'est Wonder Woman, le personnage, ou c'est quoi, Linda Parker? C'est le personnage de fiction, oui. Donc, le personnage de fiction Wonder Woman va prêter ses super pouvoirs à une campagne de l'ONU sur l'émancipation des femmes et des filles, qui va être désignée officiellement ambassadrice honoraire des Nations Unies le 21 octobre prochain, donc environ dans une semaine approximativement. La cérémonie va se tenir en présence du secrétaire général de l'ONU, c'est M. Ban Ki-moon, et de la présidente de DC Entertainment, donc Diane Nelson, et de plusieurs invités surprises. Je ne sais pas si tu vas avoir des super-héros. Non. Ça serait hot. Donc, selon l'ONU, parmi lesquels pourrait se retrouver, d'ailleurs, l'actrice qui a incarné Wonder Woman, Linda Carter. Je l'avais. Oui, exactement. Donc, elle a été, je pense, la première Wonder Woman dans les années 1970. Et cette cérémonie va marquer le lancement d'une campagne d'un an, justement, qui va être consacrée à l'égalité homme-femme et qui est vraiment un des enjeux majeurs ces temps-ci du côté de l'ONU et pour les 15 prochaines années. Wonder Woman qui va changer de nom pour Wonder Woman. Wonder Woman. Oh boy. C'était Mathieu? Ouais, merci. Oui, ça. Si on reste dans l'ordre d'idée égalité homme-femme, ce qui a retenu mon attention aussi, c'est que cette semaine, CoverGirl, la marque de produits de beauté, a embauché son premier CoverBoy. Hein? Oh, que oui! Ben, enfin! Ben oui! James Charles, qui est un YouTuber de 17 ans, est devenu vraiment le premier ambassadeur masculin de la marque de cosmétiques CoverGirl. Et la compagnie possède Coty Incorporated, qui a annoncé avoir conclu un partenariat avec le jeune YouTuber. Donc, qui est suivi quand même à plus de 445 000 abonnés sur Instagram. Et aussi, la vedette Katy Perry a... une fabulation sur le jeune garçon. Je sais pas si je peux dire fabulation, mais elle l'adore, elle le suit sur Instagram. Ah. Donc, il y a beaucoup de ses tutoriels qu'elle-même va reposter sur Instagram. Yeah, ben. Et dans un tweet, CoverGirl a décrit James comme étant un artiste maquilleur, un briseur de barrières et le nouveau CoverGirl. Mais on l'appelle CoverBoy un petit peu partout ce matin. Ouais. Donc, je pense que c'est le fun de voir justement que cet avancement-là est fait du côté égalité homme-femme. Mm-hmm. On le sait qu'il y a des femmes qui ont fait des métiers d'hommes et ont été reconnues pour ça, mais de voir un gars faire peut-être plus quelque chose de féminin et d'être reconnu aussi comme ça de façon mondiale, mais c'est super le fun. Oui, ton genre ne devrait pas changer grand-chose dans la perception qu'on a de toi. Non, exactement. Si on y va du côté automobile, du côté renouveau, deux roues. Plus que 4 roues, sachez-le. Deux roues comme une moto. Ouais, exactement. Eh bien, BMW a annoncé la moto du futur mardi du côté de Los Angeles. En fait, on a tout simplement présenté un prototype qui incarne la vision de BMW pour la moto du futur. Donc, on parle de la Motorrad Vision Next 100. Et on le dit, là, c'est un prototype du constructeur allemand. C'est pas quelque chose qu'on va voir sur les rues d'ici 2030. Donc, on parle d'un bon nombre d'années encore pour travailler le prototype. Par contre, ça mettrait sur la map la technologie d'auto-équilibrage, c'est-à-dire à base de gyroscope, qui va devenir un stade de développement. Comme un Segway un peu. Exactement. Oui, okay, effectivement. Oui. Donc, avec cette moto-là, on pourrait ne pas porter de casque parce que ça serait impossible de tomber avec la moto. C'est quand même cool. Là. Oui, moi, à moins que ce soit Samsung qui le fasse, dans ce cas-là, il faut faire attention. Non, au moins, j'avoue. Hein. Mais il parle pas. Par contre, BMW ne parle pas d'autonomie complète pour les motos. Donc, on parle encore de conducteurs qui doivent être alertes. On parle simplement que l'autonomie va être développée justement du côté d'équilibre, comme je le disais. Mais au moment où toute l'industrie automobile est lancée comme dans une course aux véhicules sans conducteur, avec la grosse technologie, bien BMW met encore l'emphase sur le fait que le conducteur est très, très important. Mmh. Il doit rester là, il doit rester alerte, éveillé, égayé. Donc, de ce côté-là, on parle tout simplement de ce qui est équilibre pour la moto. Mais si vous voulez aussi, je vais mettre la photo sur la page Facebook d'Assemblage Requis, parce que c'est une très belle moto. Ah, est-ce qu'on sait si c'est une moto électrique ou c'est une moto à essence? On y mettrait l'électrique dans tout ça. Tant qu'à faire. Puis de toute façon, c'est l'ère du renouveau. On le sait, il y a beaucoup de véhicules qui sont en train d'être développés du côté électrique. Donc, on parle... ça pourrait se faire dans les deux, en fait. Mais on parle d'une carrosserie flexible. On parle d'une carrosserie sportive aussi. Donc, tout pour une moto du futur. Moi, je dis oui! Oui! Je veux une moto BMW! C'est-à-dire oui! Comme dans, quand tu fais des wheelies, c'est ta moto. Oui! Oui, définitivement. Ouais, c'est... Ouais. J'avais l'air de lever mon top, mais c'était pas ce que je voulais faire. Oh mon Dieu! Mathieu, il faut le mentionner parce que la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. L'ouragan Matthew a passé un petit peu partout et ça a fait plus de 800 morts en Haïti. Donc, l'ouragan Matthew a fait au moins 842 morts lors de son passage mercredi passé à Haïti. Et ça, c'est selon les officiels de la Direction de la protection civile haïtienne et qui a été envoyé un petit peu partout par l'agence de presse Reuters. Et le nouveau bilan a été confirmé aussi par une branche locale de l'organisation gouvernementale qui émettait du ministre de l'Intérieur et de la collectivité territoriale. Donc, le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas revu à la hausse son bilan officiel qui demeure quand même à plus de 800 morts. Donc, on ne sait pas encore s'il y en a plus que ça. Mais les autorités haïtiennes et les ONG font état d'un bilan humain quand même assez dramatique. On le sait un petit peu partout sur Internet, il y a des campagnes qui se passent pour justement aider à ramener Haïti où est-ce que c'était avant l'ouragan. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. Je peux faire un commentaire sur Mathieu. Ben oui. Mathieu a fait beaucoup, beaucoup de dommages à Cuba. Okay. Oui. Mais aucun décès parce que Cuba aurait le meilleur système de pré-alerte au monde pour les événements et désastres naturels. Okay. Donc, il y aurait un système de pré-alerte assez particulier. Des fois, c'est des haut-parleurs qui envoient un... Oui, ce système-là a fait en sorte que Cuba a pu s'en sortir avec que des dommages matériels et non pas de décès. Mais il y a beaucoup de places qui l'ont vu venir aussi. La Floride, là, je sais qu'il y avait plusieurs épiceries qui ont fait des campagnes spéciales, justement, venir chercher le stock en prévision d'eux. Il y avait beaucoup d'allées qui étaient vides. J'ai des amis qui sont en Floride. L'allée du vin et des spiritueux était complètement vide. Donc, on s'est mis... Les priorités à bonne place. C'est ça, exactement. Ouais. tout à l'heure, je parlais de l'ONU. Oui. Pour quelque chose qui est totalement le contraire de ce que je vais vous parler. Évidemment, quand on parle d'actualité, je pense qu'à tous les jours, il est dans l'actualité ces temps-ci, M. Donald Trump. Bien sûr. Mais selon un président, selon quelqu'un de l'ONU, par contre, il serait un président extrêmement dangereux. Ben, okay. Ça cache absolument rien, on le savait tous. Mais le haut commissaire de l'ONU, là, on parle quand même de quelqu'un qui est reconnu mondialement, le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Là, je vais pas vous dire son nom parce que je suis pas capable de dire autant de consonnes une à côté de l'autre. Je suis désolée. Mais il a estimé mercredi que Donald Trump serait dangereux sur la scène internationale s'il était élu comme président des États-Unis. Donc, on le sait, il y en a plusieurs qui disent « OK, c'est beau, là, c'est notre bataille aux États-Unis. Arrêtez de vous en occuper. Arrêtez de dire que Trump, c'est le pire président au monde ou que ça va être la pire catastrophe. » Non, non, non. Là, sachez-le, tout le monde le pense. Ouais. Tout le monde va vous le répéter et personne veut qu'il devienne président. Les États-Unis restent la plus grande puissance du monde. Exactement. Donc, c'est sûr que ça a un aspect international. Oui, et c'est inquiétant pour plusieurs personnes. Donc, lors d'une conférence de presse à Genève, le haut-commissaire a expliqué qu'il n'y avait pas pour habitude d'interférer justement dans les campagnes politiques de différents pays. Mmh. Mais là, je pense qu'il y a vu des commentaires inquiétants qui a été fait par Donald Trump. Donc, il dit avoir le droit de prendre la parole et de tirer la sonnette d'alarme pour que les gens comprennent à quel point ça devient important. Ouais. C'est pas un concours de Miss Beauté, là. Non. Puis, il est habitué à ça, Trump. Exactement, oui. De toute façon. T'as vu qu'il est rentré d'investir des Miss Teen? Oui, apparemment. Team. De toute façon, hein, grab them by the pussy. C'est ça. C'est pas des Teen Burger. Non, non, non, on parle pas de ça. Donc, il dit si Donald Trump est élu... À moins que ça change, il dit « Je pense que ça, sans aucun doute, deviendrait le président le plus dangereux au point de vue international qui a jamais été voté encore. » Not gonna happen. Et le haut commissaire s'appelle Zedrad Alusen. Bon, ok, c'est bon. Hein? Zedrad Alusen. Voilà. Vous l'avez eu ensemble. On l'a eu ensemble. En espérant que les Américains ne se tromperont pas. Oh! Attends, étais-tu en train de me dire que toi, tu voterais pour Trump? Non, non, mais c'est ça, je veux pas, faut pas qu'il se trompe. Ok, non, ok, on faut pas qu'il se trompe. Grab them by the pussy. Ouais, ouais, exactement, non, c'est un petit peu inquiétant tout ça. Mais c'est ce qui fait le tour de ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Non, non, non, ça a retenu ta attention. Ta attention. Oui, t'as bien compris. C'est le sous-segment de ta attention. Deux chroniques en une, c'est comme un shampoing revitalisant. Pareil. Génial. C'est un deux en un. Oui. Voilà. Merci. Je voulais juste mentionner aussi l'actrice canadienne, mais qui est maintenant rendue aux États-Unis, qui fait beaucoup de travail aux États-Unis, Kelly Oxford, qui a parlé sur Twitter justement de tout ce que Donald Trump avait parlé cette semaine par rapport aux attouchements sexuels, puis tout ça. Il y a beaucoup d'attouchements sexuels qui viennent d'être déclarés contre Trump. Mm-hmm. Donc, ça aide pas à sa cause. Mais Kelly Oxford, qui a invité les gens à justement... faire un espèce de mouvement Twitter par rapport à la conscientisation justement de ce qu'est les attouchements sexuels et de prendre conscience que non, c'est pas bon faire ça. Pas bon. Sachez-le. Voilà. Donc, Denis Baudin, merci encore une fois. Merci, je donne rendez-vous ce soir 19h. À 19h très bien, c'est tout. De 19 à 22h. Encore toujours plus de blues. 3 heures de blues. Trois fois plus qu'avant. Trois fois plus qu'avant. Et il a réussi à faire 3 autopromos dans une demi-heure. Wow, c'est réussi quand même. Je l'ai bien éduqué. C'est bon pour les ratios. C'est ça, c'est bon pour les ratios, c'est bon pour prendre de l'ampleur. Oui, on tient à remercier aussi ta boss Stéphanie qui était présente hier, mais qui l'a aussi laissé partir du bureau ce matin pour venir ici. Ah, il est pressé, hein, c'est ça, on l'a retenu un petit peu trop longtemps. Ben non, mais c'est correct. Pas trop longtemps, mais je vais y aller. C'est ça. Je ne goûterai pas à votre produit dans une grosse pointe d'adresse au retour de la pause. On revient justement avec une grosse pointe d'adresse. On va prendre la pause tout de suite chez Kid Bonheur, mais au moins on va avoir un seul segment sans aucune interruption juste après. Donc restez là. À tout à l'heure. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées qui continue comme ça en ce jeudi 13 octobre 2016. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui. Dans quelques instants, ça va être une grosse pointe d'adresse. Mais avant ça. Hein? Avant ça. Je me demande dans quel ordre je fais ça. Chanson en premier. Ouais. On écoute une pièce de Hot Panda sur le palmarès anglophone. Voici Bad Pop. You wanna know it, so you can say that it's over.

Là, tu tombes dans mes cordes. Mmh. Ah ouais, OK. La petite menthe est quand même intense. Ouais. Mmh. Si tu veux gagner mon cœur d'envie, soit du café ou soit choco caramel. Choco menthe. L'autre, tantôt, goûtait les rouleaux, mais vraiment beaucoup. Et celui-là goûte vraiment les After Eight. Non, les rondelles, les... pas les After Eight. After Eight, c'est comme plus luxueux. Mm-hmm. Les York. Ça, les York Peppermint Patty. Mm-hmm. Pareil. C'est vrai. Mais c'est fait par la même compagnie. C'est les mêmes, le même goût. C'est exactement le même goût. Mais c'est parfait. Même le chocolat goûte ça. Mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'en tant que tel, ils sont comme bruns. Tu t'attendais à un petit goût moins chocolaté. Tu vois, je trouve que le chocolat menthe est moins agressant. Ouais. Que le choco caramel. Ouais, chocolat caramel. Je serais capable d'en prendre 4 au lieu de 3. Wow. Wow. Mm. Quoi que choco caramel, je pense que j'en mangerais juste 2. OK. Choco menthe. Pour avoir un menthe de plus. Ouais. Choco menthe, ça rentre dans mes cordes. Mm. Moi, je mets comme 2 pouces en l'air pour chaque saveur. Ah oui, 2 pouces en l'air, moi aussi, facilement. Très, très bon. Mentos, choco menthe et choco caramel. Disponible dans des panneurs partout. Moi, je l'ai trouvé dans un couche-tard. Là, c'est rien de difficile à trouver. C'est avec le reste des Mentos. Ne vous en faites pas. Si vous allez au dépanneur, vous allez les voir, c'est certain. Mathieu, est-ce que tu me permets de faire un 30 secondes, même ben pas? Oui. Apparemment que c'est la journée nationale de pas de brassière, mesdames. Donc, prenez note. Oui. Vous avez le droit de free nipples aujourd'hui. Free nipples. Free the tits. Grab them by the tits aujourd'hui. Ouais, c'est place. Ça, exactement. C'est le slogan de Donald. Grab them yourself if you want to. C'est que je me dis pas quoi faire parce que... Non. C'est ça. Pas une femme qui va dire quoi faire. C'est pas Clinton qui va dire quoi faire. Maintenant, moment de parler de nouvelles de fast-food parce qu'on a goûté à notre produit. Donc, c'est la deuxième étape. On va chez Lay's aux États-Unis qui ramène 3 saveurs limitées, dont poulet et gaufre. On a parlé beaucoup de poulet et gaufre les dernières semaines. Donc, si vous ennuyez aux États-Unis de gouda fumé et échalote, poulet et gaufre ou encore truffle fries, elles sont de retour chez Lay's pour un temps limité en magasin à partir du 3 octobre. C'est déjà fait. Donc, ça veut dire que vous pouvez les trouver sur eBay si ça vous intéresse aussi sur Internet pour les Canadiens et Québécois. Donc, les saveurs limitées ont été présentées pour la première fois dans leur Flavor Swap ou encore les Duos Flavor, dépendant desquels. Et c'est ramené maintenant dans les Lay's All Stars. Smoked Gouda and Chive et Chicken and Waffles sont tous les deux des saveurs de croustilles normales, alors que Truffle Fries, c'est des Wavy Lay's, donc les ondulés, voilà. Oui. On peut les retrouver en magasin à partir du 14 novembre. Les nouvelles saveurs... Après, ça disait 3 octobre tantôt. De retour pour un temps limité à partir du 3 octobre. Les nouvelles saveurs peuvent être trouvées en magasin à partir de demain. Ah, jusqu'au 14 novembre. Jusqu'au 14 novembre. Aux États-Unis, bien sûr. Ensuite, Sonic ajoute une idée que je trouve quand même assez spéciale. C'est les thés glacés en slush. Oh! Oui, à la place d'avoir des cafés glacés ou des liqueurs glacés, des slush comme ça, on a maintenant des frozen teas. Donc, pour un temps limité, les nouvelles boissons frostées en 8 variétés. Black Cherry Frozen Clubhouse. Le Clubhouse, c'est leur nom pour le Arnold Palmer Drink dont on parlait la semaine passée. Là, c'est le 50-50 limonade thé glacé. Donc, cerise noire et Clubhouse. Oui. T'as Black Cherry Frozen Sweet Tea. Donc, cerise noire et thé sucré. T'as Frozen Clubhouse, donc 50-50. Wildberry Frozen Sweet Tea. Wildberry, c'est une baie sauvage. T'as aussi le Wildberry Frozen Clubhouse, Strawberry Frozen Sweet Tea et le Strawberry Frozen Clubhouse, et le Pomegranate Hibiscus, donc grenade et hibiscus en thé sucré. Miam! Si vous trouvez ça trop froid pour une slush froide, il y a plusieurs saveurs. En fait, toutes les saveurs que j'ai nommées là peuvent être aussi offertes en thé glacé, pas de slush. Miam! Voilà, c'est chez Sonic aux États-Unis. Ensuite, tu connais Oberto, c'est la marque de jerky, le beef jerky. Oui. Donc maintenant, ils ont les Trail Mixes Beef Jerky. OK. À savoir de Original Beef et de Spicy Sweet Beef. Donc, c'est des noix, des graines de tournesol, des fruits séchés, du chocolat et du beef jerky. Ouais, un peu comme on a ici avec les Oreos, jujubes et tout ça. Bon, c'est un peu le même principe. C'est avec comme le mix parfait pour un road trip. Tellement. Ben c'est ça, c'est vraiment génial. Et c'est des saveurs que tu ne mettrais pas normalement ensemble. Non. Je me serais pas attendu à avoir des fruits séchés, du chocolat et du jerky ensemble. Mais ça doit vraiment super bien fonctionner. Donc, bœuf original et bœuf sucré, épicé, sucré salé. Donc, allez voir ça. C'est chez Oberto. C'est vrai. Ensuite, le Monster Mash, c'est le bonbon d'Halloween le plus facile à faire, nous dit-on. C'est chez PopSugar.com qui nous raconte ça. Donc, c'est ceux qui ont des boîtes en épicerie depuis quelques années. Ça fait quand même pas trop longtemps. On a recommencé à avoir des Count Chocula, ainsi que des Booberry et des Frankenberry. Souvent, j'en voyais deux des trois. Donc, il y en a une, je me rappelle pas laquelle, qui est moins fréquente au Québec ou même peut-être pas disponible. Mais le Monster Mash, c'est un mélange de tout ça, nommé en l'honneur de la chanson d'Halloween du même titre. Le Monster Mash combine trois céréales General Mills saisonnières dans une explosion de saveurs épeurantes. Donc, les notes de fraises épeurantes de Frankenberry, les petits soupçons de bleuet des délicieuses Booberry et bien sûr les la saveur chocolatée de Count Chocula pour créer donc une nostalgie d'Halloween. Monster Mash, c'est très très facile à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller voir l'article sur assemblagerequis.com. En gros, on mélange ça dans un bol, puis rien à faire de plus. Moi, peut-être que j'irais avec un coulis de guimauve là-dedans. Mm-hmm. Un coulis de guimauve. Ce serait malade parce que, tu sais, en tant que tel, il y a des guimauves des fois dans ces céréales, je pense. Oui, c'est vrai. Fait qu'un petit coulis, un petit sirop. Miam, miam, miam, miam. Maintenant, la vérité derrière les poulets de rôtisserie de chez Costco. Oui. Les poulets, aux États-Unis, c'est 5$. J'imagine que c'est plus cher que ça ici, quand même. Là. J'imagine. J'imagine. Mais il y a des ingrédients cachés dans ces poulets de rôtisserie-là. Et maintenant, on sait pourquoi c'est aussi. Ça rend aussi accro, aussi dépendant. Bon, ça va bien. Il y a du pot. Non. C'est Dr. Oz. Tu connais Dr. Oz de la télé. Oui. Celui qui endosse un paquet de produits absolument ridicules et qui sont prouvés plus tard comme étant des choses qui sont fausses. Mais bon, Dr. Oz, des fois, a des bonnes choses à son émission. Et maintenant, il a demandé les services d'un écrivain gagnant de plusieurs prix, Mark Schatzker, pour comprendre pourquoi les Américains adorent autant le poulet de rôtisserie de chez Costco à 5$. Donc, la première information importante, c'est que le poulet de rôtisserie est process. Donc, c'est pré-assaisonné en usine et ensuite envoyé au supermarché où un employé peut mettre ça sur une broche et le faire cuire. OK. Donc, c'est pré-assaisonné. Ce qui rend ça très, très délicieux, habituellement, c'est le côté très, très salé. Les poulets d'épicerie sont toujours extrêmement salés. Mm-hmm. La peau, elle, a des saveurs et a des agents de conservation, des MSG en anglais. Je me rappelle pas en français comment on appelle les MSG. Les agents de conservation, bref. Et du sucre, d'autres saveurs naturelles. Et similaire aux croustilles, la combinaison, elle, a expliqué pourquoi on adore ça et qu'on ne peut pas arrêter. Même si ça a l'air un petit peu épeurant, Dr. Oz, encore une fois, source plus ou moins sûre, ouais, dit que c'est une des nourritures process les plus santé qui existent. Ah, oh, ouais. Et comme Dr. Oz aime le faire, il suggère d'enlever la peau pour évidemment rendre ça un petit peu plus santé. Comme sur n'importe quel poulet. Et voilà. Donc, allez voir, c'est dans sa Food Truth Series sur... c'est disponible sur YouTube, l'article est sur assemblagerequis.com. Donc, MSG, je vais juste aller voir rapidement en français. C'est le glutamate monosodique. Donc, on appelle ça des GMS en français. Bon. J'aurais dû deviner. MSG, GMS. Ouais. Ah non, j'aurais dit GSM sûrement. Bref, peu importe. Maintenant, on va chez Hershey's, qui révèle une nouvelle ligne de barres chocolatées avec biscuits à l'intérieur. Ça a l'air super bon. C'est disponible. En fait, c'est pour ceux qui préfèrent avoir un petit peu plus de texture dans leur barre de chocolat. Il y en a un qui est à menthe. Il y en a un qui est à menthe. Disponible en trois saveurs, donc les nouvelles barres de chocolat, c'est des chocolats, des morceaux de biscuits croustillants, des accessoires comme le caramel, la menthe, etc. Et c'est en petite bouchée, facile à manger. Donc les trois saveurs sont caramel, crème vanille et menthe. Chaque morceau est de 90 à 100 calories et sectionné en trois petits pips qu'on appelle. Donc c'est des rectangles, c'est la signature de Hershey sur leur barre de chocolat. Donc chacun des morceaux est séparable, pas vraiment séparable en fait. Il est sectionné en trois pips, mais c'est assez un morceau en pain pour que je pense pas que tu puisses le défaire en morceaux une fois rendu dedans. Ah, peut-être que c'est... Ok, je pense que peut-être que c'est des gros carrés, ok. Parce que moi, j'ai regardé les lignes sur le chocolat. Ok. En pensant que c'était ça, les sections. Mais je pense que c'est des gros carrés rectangulaires qu'on peut comme casser dans la barre. Je sais pas trop. C'est pas super clair. Donc, les Hershey's Cookie Layer Crunch Bars devraient arriver partout au pays en décembre 2016 aux États-Unis en plusieurs formats. 6,3 onces, c'est un sac de 9 morceaux emballés individuellement pour 4,19 américain. 3,5 onces en barre XL avec 5 morceaux. Ça sert absolument à rien de faire des XL. Prends deux normales, tu vas en avoir 6. 2,1 onces, c'est des barres king size avec 3 morceaux. Et une barre de 1,4 onces de 2 morceaux. Là, il ambitionne un peu, mais les deux morceaux, c'est à 99 cents américains. Et c'est disponible seulement en caramel. Oh. Trop de grandeur, trop de format pour rien. Mais c'est bon, vrai, hein? Ça a l'air délicieux quand même. Maintenant, on parle de boissons gazeuses, de liqueurs. Tu connais la marque Monster? Oui. Et bien maintenant, Monster a ses Monster Mutant Super Soda. Oh boy! Une boisson gazeuse de la marque Monster, c'est le compétiteur de Mountain Dew. Donc, c'est ça, c'est quand même assez surprenant que ça ait pris autant de temps avant que ça arrive. C'est de la liqueur Monster. 115 mg de caféine par bouteille de 20 onces. Ensuite, Pokies, tu te rappelles des Pokies? C'est des trucs japonais. Oui, les oui, petits bâtonnets, ben oui. Des biscuits. Ça se vend à pelleter dans le quartier chinois de Montréal. Oui, et dans les restaurants de sushi. Oui. Bien sûr. Donc, Pokies, la plus récente saveur, va vous laisser complètement sous le bonheur parce que c'est la saveur de vodka. Oh boy. De whisky, pardon. Okay, c'est la même chose. Là, la même chose. C'est de l'alcool non, fort. Non, c'est pas, non, la, c'est même pas la même chose. Chose. Ça goûte. Ça goûte pas la même pas chose. Ben, dans le sens que c'est pas de la vraie alcool, donc c'est saveur simulée de. Oui. Ouais, mais une saveur simulée de whisky va pas goûter la même chose qu'une saveur simulée de vodka. Je me demande si j'ai déjà goûté du whisky. Explique-moi comment ça goûte le whisky, voir. Eh boy, je sais pas si je serais capable. Je suis pas une très grande connaisseuse de whisky. Non? Non. Plus fort, plus... C'est plus fort que de la vodka. Ça va brûler un petit peu plus, mais c'est vraiment juste le fait que c'est pas le même alcool du tout. Okay. La vodka, des fois, ça peut soit rien goûter si c'est une très bonne vodka, parce qu'en théorie, si ta vodka goûte quelque chose, elle est cheap. Oh, ouais. Oui. Oui. Oh. Puis celle qu'on connaît, tu sais, celle qu'on buvait au cégep. Ouais. Celle du dépanneur. Ouais, ouais, ouais. Ben, souvent, on disait que, ouais, qu'elle goûtait un peu le peroxyde. Ouais. Ben, ça, c'est de la vodka cheap. Okay. Ton whisky, là, il va goûter parfois boisé. Ça va être vraiment différent. Il peut être fruité aussi, à la poire, par exemple. Ça se fait souvent, le whisky poire. Hey, pour une fille qui avait de la misère à l'expliquer, hein? Oui, mais... C'est pas même bien expliqué. Hein? Ouais, OK, c'est bon. Donc, pour les amateurs de whisky, donc notre bonbon japonais maintenant a grandi un petit peu et on est prêt à avoir des pokies à saveur de whisky à mettre dans les drinks. Hein? Donc, c'est ça, dans le fond, ce que ça dit, c'est... le pokie s'appelle Otona no Kwaku, qui veut dire Adult Amber, donc ambré adulte. Ça s'en vient bientôt. C'est la combinaison parfaite de salé, sucré et alcoolisé. La compagnie donc, a pris les bâtonnets au chocolat d'origine, les ont salés, les ont couverts de chocolat à senteur, parfum de whisky, pour faire donc une collation Happy Hour. C'est sorti au mois de novembre dernier. Ça a complètement tout vendu et ça va être redisponible à partir du 25 octobre cette année sur Amazon en précommande pour moins de 10$. Intéressant, mais c'est ça. C'est seulement à l'odeur de whisky, ça, de goûter un petit peu, mais en tant que tel, pas l'alcool là-dedans. Ouais, va être différent. Ouais. Ensuite, on va dans une pâtisserie, une place qui fait des viennoiseries, des gâteaux, des trucs comme ça. C'est Magnolia Bakery. Qui nous fournit maintenant un gâteau ombré. Oh! C'est pas une recette que je vais vous dire comment le faire, faut aller se le procurer aux États-Unis. Donc, le Magnolia Bakery's Ombre Frosted Cake. C'est un peu comme les coupes de cheveux à la mode, ombré. Quand tu vas à la cafétéria de l'UQTR, t'en retrouves au moins 2-3 par table. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, les gâteaux sont pareils. C'est, dans le fond, le bas du gâteau. OK, on va s'imaginer un poisson qu'on aurait tranché. Juste une tranche de poisson avec des écailles. OK. Et le bas du gâteau est bleu, un petit peu plus ciel. Oui. Le milieu est plus bleu pastel et le haut est presque bleu blanc. Okay? Oui. Donc, ça fait un dégradé. Et si tu fais le tour du gâteau, la couleur reste la même. Donc, le ombré est sur la verticale du gâteau. Donc, si vous voulez aller voir les photos, c'est sur assemblagerequis.com. Ça pourrait être la prochaine mode, peut-être dans les mariages. Ah, sûrement. Les gâteaux ombré avec une chanson de... Ah, mais à l'eau, le sucre, par exemple, là-dedans. Mais ça. Non, c'est qui le gars qui fait des chansons de mariage? Adam Sandler? Non. Le chanteur de noces? Au Québec, je parle. Oh, je sais pas. Le gars qui a toute sa chanson, on va s'amuser encore. Ah, Vincent Vallière. Un gâteau ombré puis Vincent Vallière, ça va être le prochain mariage. Bon. Ah, boy, quand tu cherches les mots, non, le gars. On a changé Vincent Vallière, là, il a déjà fait la tournée. Là, c'est fini, ça? Mais là. Je sais pas. Pour les mariages? S'il y a-tu une toune qui a fait le tour des mariages en 2014-2016, là? Ah, mais c'est des gens si qui sont arriérés. On va s'aimer encore. C'est des gens qui sont arriérés, mais Québécois. Hein? Oh! Québec bashing! À chaque Québec bashing. On va chez Subway maintenant, qui amène un nouveau sous-marin canneberge et dinde. OK. Et des biscuits, évidemment, à la citrouille épicée. Pas le choix. Donc, Subway va lancer le nouveau Autumn Carved Turkey Sub avec de la sauce à la moutarde au canneberge sucré à partir du 10 octobre. Donc, c'est déjà fait. Mmh. Je me demande si on a ça déjà au Canada. J'ai pas vu passer la pub. Donc, ils vont aussi ajouter deux nouveaux biscuits pour l'automne. Le Pumpkin Spice Cookie à la citrouille épicée, bien sûr. Et... l'autre, c'est quoi? Est-ce moutarde jaune, non, c'est pas vrai, ça doit être au canneberge. T'as un petit peu. Le nouveau, c'est. Non, c'est tarte aux pommes. Ah, OK. On en parle plus tard dans l'article. Donc, le nouveau Autumn Carved Turkey Sub, c'est de la dinde en tranche, du fromage cheddar. Je suis pas sûr, le fromage cheddar. Ouais, je pense pas, hein. J'aurais vraiment mis du suisse, mais bon. Sauce moutardée, canneberge sucrée, épinards, tomates, oignons rouges sur un pain 9 grains. On suggère le prix de 4,75 pour les succursales pour un 6 pouces et 7,75 pour un 12 pouces aux États-Unis. Le nouveau Pumpkin Spice Cookie est fait avec de la pâte à saveur de citrouille, de la vanille, mélasse, noix de muscade, des petites pépites blanches de genre de chocolat blanc si on veut. Quelque chose. Je sais pas, ça dit White Confectionery Chips, j'ai aucune idée ce que c'est. Et de la cannelle. Et le biscuit à la tarte aux pommes, c'est des morceaux de Granny Smith, de pommes Fuji aussi, avec un petit peu de cannelle, noix de muscade, poivre, pas de... clou de girofle, oui. Et saveur naturelle de pommes dans la pâte à biscuits. Tout ça est disponible pour un temps limité dans les magasins participants à partir du 10 octobre. Juste aller voir sur subway.ca, voir. Alors, c'est peut-être pas à jour la dernière fois que j'ai regardé, mais... Oui, le Premium Carve Turkey! Il est là. Je sais pas s'il y a des biscuits, par contre, mais on voit le Premium Carve Turkey qui est là puis qui a l'air délicieux. Yeah. Mais au Canada, sur la photo, par rapport à l'article, il n'y a pas la tranche de fromage cheddar. Merveilleux. Je pense que c'est meilleur de même. Mais c'est parce que je pense qu'on n'a pas de cheddar, nous. On a Monterey Jack, puis... Ah, t'as raison, chez Subway, ils n'ont pas de cheddar. C'est du cheddar orange, du American Cheese, qui appelle ça. T'as du Suisse, du mozzarella, je crois, et du... Monterey Jack, exactement. Donc, sur le site canadien de Subway, ça dit, il est tendre, il est juteux, c'est notre nouveau premium Tick-Carve-Turvy. C'est 100% viande blanche canadienne, sans aucune saveur artificielle, couleur artificielle ou agent de conservation artificielle. Donc, peut-être qu'au Canada, la recette est différente, mais... Ça précise que la sauce moutarde canneberge est dans notre version aussi. Mm-hmm. C'est important, le fait le plus important quand même. Comment faire que votre gruau matinal goûte comme un biscuit au chocolat et à la citrouille? Hein? Okay. Donc les gruaux au micro-ondes dans une tasse, c'est le déjeuner le plus facile. Et oui. Cette recette automnale de popsugar.com va satisfaire votre faim matinale encore plus qu'un latte. Inspiré par les Peanut Butter Cookie Oats, donc l'avoine, biscuit et beurre de peanut, cette version saisonnière goûte vraiment pareil comme un biscuit au brisé de chocolat et à la citrouille. Mais c'est parfait pour vous remplir le bedon jusqu'au dîner. Donc les ingrédients qui vont faire partie de ça, c'est de la purée de citrouille et du beurre d'amande, de l'avoine séchée, vous n'avez pas besoin d'eau pour réhydrater, et la consistance finie est comme un biscuit épais et mâchouillant. OK. Nous dit-on. Donc j'ai mis la recette sur assemblagerequis.com avec les ingrédients, les photos. Ah, il y a une photo qui est pas super cute, hein? Non, je sais, c'est vraiment pas très beau de la citrouille, pour vrai, c'est même déplaisant. Ouais, on dirait genre des patates douces, ouais. Broyées, rejetées, c'est ça. Ben, le beurre de pinot et le beurre d'amande n'est pas tellement mieux, je te dirais. Non, c'est vrai. Vraiment pas mieux. Ben, allez voir la recette sur assemblagerequis.com, c'est à conseiller, nous dit popsugar.com. On a parlé la semaine passée d'aller au Lux Café, le café de la bannière des Gilmore. Mm-hmm. La série qui est de retour sur Netflix cet automne, en novembre. Moi, là, j'ai une confession à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Luke, là. Ouais, ton préf. C'était mon préf. Ouais, hein. Oh, ça me surprend pas. J'ai toujours eu un faible pour les personnes plus vieilles. Avec une casquette. Hein? Ouais, c'est ça. La barbe pas trop faite. La barbe pas trop faite. Luke's Café, qui a ouvert quelques restaurants pop-up aux États-Unis. Il y en avait un près de chez la personne qui écrit pour Pop Sugar, donc qui nous rappelle que ça existe et qui nous dit de quoi ça avait l'air. Donc, tu rentres là-dedans, OK? Ça devait être merveilleux comme place. C'est absolument merveilleux. Donc, ça avait l'air un petit peu fait à la dernière minute, mais ça n'a pas empêché les foules de femmes de l'utiliser pour faire des selfies. C'est ce que ça dit dans l'article. C'est clair. Il y avait des pancartes « No cell phones » pourtant partout sur les murs. Et là, évidemment, il faut se rappeler que c'est pas parce que les gens ne devaient pas utiliser leur cellulaire, c'est que dans le Lux Café, dans Gilmore Girls, il y avait une pancarte. Pas de cellulaire. Voilà. T'as-tu vu ça. La nouvelle pancarte? C'était marqué aussi « Pas de man bun ». Si t'as des écouteurs puis je suis capable d'entendre ta musique, tu devrais même pas porter des écouteurs. Ah, c'est malade, c'est malade. Donc, évidemment, ils donnaient du café gratuit. Il y avait aussi des petits manteaux bleus. Oui, le manteau bleu. Les verts eux-mêmes avaient un code Snapchat pour avoir un filtre spécial qui montrait le logo de Luke's logo et un grille-pain avec la date de début de Gilmore Girls sur Netflix. Et puis, le café, goûtait juste le café régulier. Il n'y avait rien de spécial. C'est pas un café particulier ou particulièrement Gilmore. Donc voilà, pas grand détail de plus à dire que ça. Allez voir les photos si ça vous intéresse, mais en tant que tel, c'était vraiment juste un petit truc, pas dernière minute, mais un petit peu cheap, là, en tant que tel. C'est pas comme quand ils ont refait le café de Friends, là, non. À New York, à un moment donné, où c'était super sophistiqué. C'était pas l'idée de la chose, c'était juste pour faire de la promotion pour Game of Girls. Ensuite, des ramen. Ça, c'est vraiment bizarre, c'est de la crème glacée au ramen, c'est un peu gélatineux. En fait, c'est beaucoup gélatineux. C'est des nouilles faites de canton ou de agar-agar. C'est une substance gélatineuse qui vient des algues. Donc, c'est ce qu'on nous propose sur, encore une fois, Pop Sugar. C'est des ramen de dessert, donc en crème glacée. C'est le plus récent dessert qui maintenant arrive aux États-Unis, à New York, grâce à The Desert Kitchen, un restaurant japonais qui se spécialise en dessert glacé unique. Donc, sa plus récente création qui crée le buzz. C'est pas vraiment de la crème glacée, c'est pas vraiment des ramen. C'est des nouilles servies dans un bol avec de la glace en copeaux, du lait évaporé, des balles de mochi et des balles de melon gelé, ainsi que des genres de morceaux de mangue. C'est un dessert qui fait parler les gens, que tout le monde poste sur Instagram parce que c'est vraiment laid. Mais ouais. Si vous êtes intrigué, vous pouvez on savoir. C'est juste une méduse. On dirait, on dirait qu'il n'y a pas de saveur. Exactement. Et vous pouvez voir comment c'est fait en regardant de très très près. Il y a une galerie photo sur assemblagerequis.com. Si ça, ça fait penser un peu à du Jello, mais transparent. Ouais. Est-ce que tu essaierais ça? Non. Oh, comment? Ah, je sais pas. Comment? Parce que j'aime bleu. Le Jello dans la vie. Ouais. Mais si ça, ça goûte rien. Ben c'est de perdre tous tes points. Il y a des bouts de mangue et puis des copeaux de telle affaire. De oh, fruits. Wow, du litchi. Bon, oui, du litchi peut-être. Il n'y avait pas de litchi, mais j'avoue que ce serait une bonne idée. Oui. Ensuite, tiens, un hack pour le beurre d'arachide et la confiture. C'est 16 combos de saveurs en un seul sandwich. C'est okay. La nouvelle mode, apparemment, qu'il faut faire ça là, maintenant. C'est une petite vidéo sur, je crois que c'est Snapchat. On va l'écouter ensemble sans le son pour pouvoir vous lire ce qu'il y a dedans. Donc, étape par étape, c'est... OK. Un sandwich pour les adultes. Donc, prenez 8 tartinades différentes. OK? T'as besoin de 2 tranches de pain. Je peux pas faire pause, il faut que j'y aille vite. Là. Non, donc, on tartine du beurre d'arachide sur la première tranche dans le tiers vertical. On répète avec de la tartinade de guimauve dans la deuxième colonne. Là, on rappelle de les faire à la verticale. Troisième oui. colonne, c'est des tranches de banane. Ah, c'est encore pas entière. Quatrième quart, c'est de la confiture de raisin. Deuxième tranche de pain, on y va à l'horizontale. Une bande de Nutella, une bande de fraises en tranche. Encore une fois, horizontale pour que l'autre côté soit vertical. Okay? Oui. On répète avec du beurre d'arachide croquant. Et la dernière, c'est du miel. Et après ça, on smouche les deux parties ensemble. Ça fait 16 combinaisons de saveurs différentes. Et on mange ça dans la bouche, selon Snapchat. Trancher en deux, servir sur une assiette. Donc, beurre d'arachide, marshmallow, banane, confiture de raisin, miel, tout ça ensemble. Moi, je dois c'est avouer génial. Quelque chose, j'aimais pas le beurre de peanut quand j'étais plus jeune. Ouais. Alors, j'avais pas cette fameuse folie du beurre de peanut et confiture. Confiture, miam. Est-ce que tu mangeais ça, toi, à l'école? Oui, oui, oui. Ben, ça, pas à l'école, mais c'est très bon. OK. Parce faut que ça devait pas tenir, tu sais, comme c'est pas... Tu sais, ça soutient ben, pas quelqu'un qui apprend quelque chose à l'école, là? Ah oui, ben, dans le sens que les arachides, c'est un substitut de viande. Ouais. En tant que tel, donc ça remplit super bien les noix, non? Ouais, mais là, on et parle le pain de... en plus avec. OK. Ouais, non, quand même. Mais ça, faut choisir son beurre d'arachide et sa confiture pour que ce soit de la confiture qui est consistante. Oui. Tiens, pour pas que ça te défasse et que ça devienne tout mou dans ton pain. Mm-hmm. Fais attention. T'as bref, très bon, très bonne suggestion. Voilà, on va arrêter là parce qu'il est quand même tard. C'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et ben c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et 26 déjà, il y a l'émission Génie en liberté qui commence dans 4 minutes environ, avec une petite chanson à la fin de l'émission. On remercie Alex Marchand. Oui. De la GEQTR. Denis Baudin. Denis Baudin de Très Blues, ça c'est fou, les jeudis soirs à 19h. Justement, restez sur nos ondes parce que plus tard aujourd'hui, après Génie en liberté qui commence à 9h30, il va y avoir la rediffusion du Mathieu Plante Show à midi. Ensuite, à 15h, la rediffusion de La sortie secouette à votre gauche. À 16h, rediffusion de Radio Sonic. Et à 18h, rediffusion de Lob Trotter, la nouvelle émission de David Ferron qui a commencé hier soir. 19h, je l'ai dit, Très Blues, ça c'est fou. Et de la musique toute la nuit jusqu'à demain à 11h pour Rock Classique. Passez une très bonne fin de semaine. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. On se quitte avec, comme on a mangé des chocomantes et chococaramel. De nos amis de chez Mentos. On va se quitter avec une pièce de chocolat. Ah, les pyramides! Oui, on se dit à lundi. Lundi ou jeudi, 6h30. Sinon, il y a les rediffusions aussi. Palmarès c'est fou, le samedi midi, puis des affaires comme ça. Allez voir sur cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes d'émission. Et on se dit à lundi. Bye! Bye! Bon café! Bon café! Plein de café de la fin de semaine! OK, oui.